30 janvier de l'année 2025, c'est la date où je procède un enregistrement en compagnie de Jean-Charles, donc c'est David au micro qui vous salue, et également mon invité de ce soir, donc Jean-Charles, donc ça va bien? Oui, ça va bien. Salut tout le monde. Donc, pour ce qui est de Jean-Charles que vous voyez à l'écran, en fait, il y a plusieurs années, je l'avais déjà interviewé le 12 avril 2019. Donc, ça date d'il y a environ 6 ans, mais je l'avais interviewé en audio, alors qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir le voir en images. Donc, c'est ça pour les gens qui ne te connaissent pas, Jean-Charles, pour te présenter. Par rapport à toi, ce que j'avais compris, c'est que pendant plusieurs années, tu t'étais intéressé à la conscience. Tu avais assisté notamment à des conférences de Bernard de Montréal depuis 1988, donc c'est exact. Et puis par la... Oui, je t'écoute. Non, je... Parfait. Je t'écoute. Puis par la suite, tu avais assisté également à des conférences de Daniel Ménard qui avait interviewé Bernard de Montréal et qu'une fois décédé, Bernard de Montréal en 2003 avait continué à donner des conférences visant également à diffuser la conscience supramentale. Et puis par après, de ce que j'ai compris de ton cheminement, tu t'es intéressé aussi à Bashar qui est une entité extraterrestre qui serait canalisé par Daryl Anka. Par rapport à toi, ce qui a piqué ma curiosité, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser, entre autres, à Bashar? Et en fait, c'est que pour avoir assisté à des conférences mensuellement et ou hebdomadairement tout au long de ma vie, quand les deux personnages que t'as mentionnés sont décédés, ben j'ai comme continué à m'intéresser à la conscience en général, puis j'ai en fait rencontré et écouté beaucoup de conférenciers, dont un juste avant qui s'appelle Frank Lobvet, qui est un Français clairvoyant, qui a énormément de vues sur YouTube, qui explique vraiment des choses que j'avais pas de réponse. Par exemple, comme je te disais tantôt, toute la question de c'est quoi une vibration, moi, j'avais pas d'idée ce que ça voulait dire concrètement, c'est quoi une vibration. Daniel avait tenté de répondre à ça en disant son slogan, là, vibrer et agir. Mais encore là, vibration, c'est un goût de faire quelque chose, mais ça demeurait flou, là, toute cette chose-là. Fait que moi, j'étais vraiment en recherche d'avoir des réponses aux questions que ni Bernard ni Daniel Ménard ne m'avaient répondu. Alors, c'est pour ça que je me suis intéressé à d'autres personnages, dont depuis un an et demi, Bashar. Oui, justement, par rapport à lui, ce qui peut être intéressant, ça serait de l'aborder peut-être un peu plus en détail, étant donné qu'au fil des ans, sur ma chaîne YouTube, j'ai amplement là, parlé de Bernard de Montréal. D'ailleurs, quand que je t'avais interviewé en 2019, tu m'avais partagé ton témoignage par rapport à ce que tu avais observé, entre autres, en ligne, Bernard de Montréal. Bon, Daniel Ménard, je l'ai interviewé à plusieurs reprises, mais pour ce qui est de Bashar, je ne l'ai jamais interviewé. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas cette entité. Et c'est sûr que ce qui m'a surpris en préparation de l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est que j'ai écouté de ces... il y a plusieurs enregistrements là, disponibles sur YouTube de Daryl Anka où il canalise Bashar. Et ce qui m'a frappé, c'est lorsque Daryl vient en état de... J'appelle ça une espèce d'état de transe vibratoire, un peu comme pouvait vivre Bernard de Montréal ou aussi Daniel Ménard. Il va parler, il est spontané, il a le mental très rapide, les idées, ça se bouscule, ça va quand même assez vite. Une grande spontanéité derrière ça. Je sens qu'il y a une vibration qui passe. Et ça m'a attiré mon attention parce que J'ai l'impression qu'il vit une espèce d'étau à effet psychique, un peu comme Bernard de Montréal, lorsqu'il canalise Bachar. Oui, définitivement. C'est sûr que c'est la même vibe qu'on pourrait dire, que moi j'appellerais sans réflexion, là. C'est vraiment direct, là. Moi-même, Bachar, j'avais aucune idée de qui était Bachar avant, il y a 1 an et demi. C'est comme TikTok, YouTube qui m'ont fait connaître ça. Puis en fait, Bachar, comme tu disais, c'est du channeling. Donc moi-même, le channeling, j'avais aucune espèce d'idée c'était quoi. Je connaissais rien là-dedans. Puis en plus, je m'étais jamais intéressé au monde extraterrestre. Moi, ça m'intéressait pas toutes ces choses-là. Mais ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre, je vais m'exprimer autrement, là, pour rejoindre ce que tu dis, c'est que oui, effectivement, c'est comme si Daré Lanka se met comme dans un état méditatif qui est proche de ce que le monde appelle la fréquence gamma, qui permet de monter son taux vibratoire. Puis Bachar, lui, qui est un extraterrestre, on pourra en reparler tantôt si tu veux. Des origines et tout, lui rejoint Daryl à une certaine fréquence. Puis là, Daryl, lui, c'est comme s'il devient un radio biologique pour traduire en anglais toutes les pensées et vibrations que Bachar y envoie pour soit faire un monologue ou soit répondre aux questions. Fait qu'effectivement, Bachar, c'est quelque chose comme. On va dire que c'est une autre forme d'être humain, mais 1000 ans en avance de nous. Donc, les autres, lui, sont comme rendus à un autre niveau vibratoire, là. Donc, même lui le dit, son niveau de pensée est 10 fois plus rapide que le nôtre. Puis pour eux, pour la race là, des Essessani, qu'ils appellent, ben, c'est comme ça, ils sont rendus là, mais il n'y a pas de sentiment de supériorité. En fait, pour lui, nous, les humains, on est c'est leur ancêtre. C'est de eux qu'on vient, qu'ils viennent, c'est-à-dire. OK, ben justement par rapport à. Là, je me rends un peu. OK. Je ne sais pas si de ton côté le volume est fort par rapport à ma voix. Ben, je peux le baisser un peu, certainement. S'il te plaît, pour éviter l'effet de renvoi là, pour les auditeurs. En fait, par rapport à Bachar, parce que sans doute des gens qui vont m'écouter, puis là, il y en a qui vont dire, ben là, ça doit être une entité nouvelle âgeuse qui vient de la Californie aux États-Unis, puis que là, ça va amener des cultes puis des croyances. Parce qu'il y a beaucoup d'entités canalisées. Dans le passé, je me suis intéressé, entre autres, à Ramta. Il y a eu les maîtres ascensionnés. Il y a eu Kryon aussi, il y a plusieurs années. Mais ce que je dois dire par rapport à Bachar, à différence de d'autres que j'ai écoutés en état de canalisation, c'est la vivacité de son énergie qui m'a surpris. Au début, pour être honnête, j'avais un préjugé défavorable. Parce que je me dis, on va essayer de me récupérer dans des trucs à caractère ufologique, nouvel enjeu, spirituel. Mais il y a quand même au niveau de l'énergie, parce que je sais que des gens de mon public sont très critiques par rapport à tout ce qui est canalisation, entité, puis là, ils vont dire, ben, tu risques de te faire récupérer dans des croyances par rapport à ça, puis là, il doit avoir un culte sur sa personne. Mais j'ai pas senti, à travers ce qui véhicule, un esprit de domination, là, tu sais. Non, définitivement, là, même d'ailleurs, lui, il nous appelle là, les maîtres de la limitation. Pour lui, la planète Terre, c'est carrément une université qu'on fait un doctorat. Dans un domaine en particulier qui est l'expérience finalement de retrouver le contact avec sa source, là, parce que selon les différentes planètes que ces gens-là ont vécues, la nôtre est assez particulière dans ce sens-là, là. Il y a très peu de civilisations qui ont autant perdu conscience de ce qu'ils sont vraiment. Puis c'est le but de la planète Terre, c'est de faire l'expérience, de retrouver le contact avec soi-même. Donc, pour eux, quand un âme s'incarne là-dedans, cette planète-là, il y a un très grand respect qui s'installe. Puis, comme lui dit, il y a tellement de monde qui étudient, qui nous regardent aller pour savoir comment que ça va se dérouler, tout ça. Puis effectivement, la vibration, je comprends les gens, là. Moi, personnellement, Bachar, il a commencé, le channeling, ça a commencé en même temps que Bernard dans les années 80, 82. Là, ça fait. Il a pas arrêté depuis. Il a eu la chance que ça continue. Fait que, effectivement, c'est un des plus vieux channels qui existe finalement. Puis il est très. Moi, je trouve qu'il est vraiment. Il a vraiment fait un effort pour pas avoir de l'air justement d'un illuminé quand il parle. Il a vraiment pour souci de. Un très, très, très, très grand respect pour les gens. Quand il finit des questions, là, il remercie toujours les gens, puis avec un grand, grand respect. Parce que pour lui, quand tu regardes un humain comme moi et toi, David, et comme tout le monde qui nous écoute, il sait très bien que ça, ce n'est qu'une version de soi-même, parce que la vraie version de nous-mêmes est en esprit au même niveau que lui. Donc, pour lui, il n'y a aucun sentiment de sécurité, de supériorité à avoir. Si ça peut répondre un peu aux questions de certaines personnes. Puis à quelque part, comme le disent bien d'autres, de quoi de tes personnes que tu interviews, là, tu sais, à quelque part, Bernard l'a dit qu'il allait avoir d'autres choses. Là. Il n'y a pas juste lui. Puis je pense pas que jamais il aurait dit qu'il y aurait juste lui, puis qu'il faut s'intéresser juste à lui. Là. Je pense que Bernard, lui, il a fait la démonstration en tant qu'humain comme nous. De comment peut se vivre la conscience. Puis ça, c'était assez remarquable. Comme d'autres l'ont fait aussi. Là, on peut parler de Jésus, de Mohamed, de tous ces gens-là. Mais Bachar, lui, son rôle, c'est beaucoup plus d'expliquer un peu comment la vie fonctionne. Puis ça peut être effectivement très, très occulte. Et d'autre part aussi, très toujours pratico-pratique. Mais c'est ça qui peut être intéressant aussi à aborder. C'est sûr que par rapport à Bernard de Montréal, lui affirmait bon, avoir vécu une fusion instantanée, une forme de contact avec l'esprit. Il parlait de double éthérique, d'ajusteur de pensée, donc utiliser plusieurs vocables pour le définir. Donc une autre partie à caractère cosmique. Puis pour ce qui est de Daryl, ben, lui, c'est le contact avec Bachar. Fait que moi, je vois un petit peu un parallèle que les deux vivent une forme de contact avec une espèce de réalité temporelle, ben, j'allais dire extra-temporelle de conscience, si on peut dire. Oui, ben en fait, Daryl, lui, quand il commence une conférence, sa co-animatrice, des fois, elle dit en rêve, bon, ben là, c'est le temps d'aller te coucher. Parce qu'effectivement, lui, il est conscient de rien. Il n'entend pas Bachar quand il parle, quand il va dire prête son corps ou. En fait, consciemment, Daryl Anka, il est comme ailleurs, dans un monde qui lui appartient. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et c'est plus Bachar qui s'exprime à travers lui là-dedans. Donc, oui, c'est vraiment, en tout cas pour moi, là, la vitesse, là, le fait aussi, comme tu disais tantôt, qu'il n'y a pas de réflexion, là, et ses réponses, là, sont assez, assez intéressantes, là, mind-blowing, comme on dirait en anglais. Oui, parce que les Puis gens. pour moi, j'en ai Oui. écouté des séminaires, ben pas des séminaires, toutes les cassettes de Bernard, je veux tout écouter comme tout le monde, qui sont des fans finis. Mais à un moment donné, là, tu sais, quand on veut tout écouter, là, à un moment donné, là, moi, j'avais le goût d'avoir réponse à mes questions, dont justement, là, c'est quoi une vibration? Le libre arbitre, toutes ces choses-là qui n'avaient pas été définies de façon satisfaisante avec moi. Bien, si tu dis que Bernard n'a pas défini ça d'une manière satisfaisante, j'étais curieux de t'entendre à savoir comment que aujourd'hui, en 2025, tu définis c'est quoi une vibration. Oui, ben en fait, pour faire ça illustré, là, c'est pour en fait une vibration, je suis toujours d'accord avec que le mot de Daniel, comme quoi quand tu as une vibration, ça ressemble un petit peu à un goût de vivre, c'est comme un gaz gratuit que les forces, pour prendre son vocabulaire à lui, nous donnent. Par contre, moi, je ça me disait rien, ça, là. Je comprenais pas assez concrètement. C'est là que mon cheminement a commencé, qui a fait que je suis tombé sur le bonhomme qui s'appelle Frank Lobvet, que lui disait qu'en fait, une vibration, c'est comme si tu lançais une roche dans le milieu d'un étang, puis la roche, on va dire que c'est nous. Donc, il y a des petites vagues qui s'en vont jusqu'au rivage, puis après, les petites vagues reviennent. Puis ça, en tant que tel, c'est une vibration de ce que nous, on est. Donc, ce que nous, on observe chez les autres, c'est finalement un aspect de nous-mêmes. Alors ça, je trouvais ça intéressant comme idée, surtout que Frank, lui, dit qu'il n'y a pas de but dans la vie à part que d'être soi-même et de se découvrir là-dedans et de choisir la personne qu'on veut être. Ça, c'est en fait le message de fond là, de Frank Lovec. Ça tourne toujours autour de ça, mais en beaucoup plus large. Donc, la question de la vibration, pour moi, ça se traduisait beaucoup là-dessus. Là, j'étais quand même toujours aussi pas encore tout à fait satisfait de ça. Puis c'est là que j'ai beaucoup plus senti, là, Bachar, lui, ce qu'il dit, c'est en gros, c'est que ça se résume à sa formule sur la passion. Sa formule sur la passion, pour l'expliquer en quelques phrases, c'est de toujours faire dans la mesure du possible, au maximum de ce qu'on peut, de faire la chose qui nous tente le plus, que ça soit tout simplement d'aller prendre une marche ou de prendre un café ou de lire un livre, que de choisir des choses dans sa carrière professionnelle qui nous tentent plus, de faire une place pour ça. Et cette vibration-là que ça l'amène de finalement d'être passionné ou d'aimer être passionné, c'est le cœur du message, c'est cette vibration-là de passion qui structure notre vie, qui fait que toute notre vie se place comme il faut, dans les bons temps, les événements arrivent au bon temps, etc., etc., etc. Ça, c'est un élément de réponse sur la vibration, mais ça débouche sur tellement de choses avec Bachar que j'ai quasiment le goût que tu continues à me poser des questions. Non, mais c'est bien correct, mais c'est quand même quelque chose de fondamental à étudier la notion de vibration. Parce que si on prend entre autres l'instruction de Bernard de Montréal ou ce qu'a diffusé Daniel Ménard, tournait autour de ça. C'est comme le noyau central. Moi, j'en étais venu à la conclusion que une vibration, c'est une énergie qui amène un mouvement dans une direction. C'est très bien dit. C'est exactement ça, parce qu'effectivement, le langage de l'énergie, c'est l'action. Quand ça reste dans la tête, ça donne rien. Ça nous donne une expérience de quelque chose, mais à part de ça, ça donne rien. Donc, c'est ça. Oui. Je vois juste l'impression que je regarde pas mon écran d'ordinateur. Je vais me monter un peu. Non, mais c'est correct. Moi, je te vois clairement. Oui. Donc, de mon côté, de la capture d'écran que les auditrices, auditeurs peuvent voir présentement. En fait, pour les gens qui nous écoutent, bon, étant donné que Bachar, quand il s'exprime, c'est en anglais, c'est sûr que ça se peut que ce soit moins évident là, pour les gens qui ne sont pas bilingues, là, surtout qui parlent très rapidement en anglais. Mais en même temps, ce que je vous dirais, même si vous n'êtes pas totalement bilingue ou d'un anglais de niveau intermédiaire, ça vaut la peine juste pour être exposé à sa vibration, même si vous ne comprenez pas nécessairement tout par rapport à son débit qui est quand même assez rapide. Quoique sur YouTube, c'est vrai, on peut le mettre au ralenti la vitesse. Fait que là, Ouais, puis sur ça les peut aider médias les gens. sociaux, TikTok, les Reels, tout ça, il y a souvent beaucoup de captions, de sous-titres. Donc, ça l'aide à la compréhension. Non, exactement. Fait que, Mais ben, oui. effectivement, c'est comment dire, là, Bachar, c'est comme il dit, lui, il se considère pas comme un alien. C'est-à-dire alien, en anglais, ça veut aussi dire étranger, là, donc. Il ne se considère pas comme un étranger, il se considère comme un humain qui vient d'un monde parallèle, parce que pour lui, dans ses cinq lois, Il y a la loi qu'il existe juste le moment, il existe juste un moment, c'est ici et maintenant. Donc, il n'y a pas personne, le passé, c'est une construction mentale d'une réelle, dans le présent, puis c'est la même chose du futur. Le futur n'existe pas, le passé n'existe pas, il y a juste une construction mentale, une expérience qu'on veut bien vivre, qu'on veut bien croire du moment présent. Fait que s'il y a juste un moment, ben lui, il est dans le même moment que nous, mais sur une fréquence vibratoire plus élevée. Puis quand je parle de fréquence vibratoire plus élevée, là, ça me retourne à la question de la vibration, c'est que plus qu'on agit sur les choses qui nous passionnent dans la vie, que ce soit des petites choses ou des plus grandes choses, il faut ne pas avoir d'insistance sur le résultat. On peut avoir une expectative que, OK, je vais manger, je vais me faire du bien, je vais me sentir bien, mais c'est peut-être pas un bon exemple, mais il faut pas avoir d'attente trop élevée ou d'attente carrément. L'important, c'est l'état dans lequel qu'on se trouve. Puis, effectivement, si quand on veut faire, quand on fait des actions pour agir dans le même sens que nos passions, ben, il peut arriver à certains moments qu'on puisse vivre des difficultés puis se sentir pas tellement bien. Et puis ça, c'est en fait tout simplement une peur qui nous arrive dans l'esprit, dans la tête. Et puis cette peur-là, la seule chose qu'elle demande, c'est d'être démasquée pour qu'on puisse, après ça, continuer à aller de plus en plus vers notre passion et de toujours aller dans ce mode de vie-là qui amène, à un certain moment donné, là, une parfaite synchronicité dans tout ce qu'on vit. Et par conséquent, c'est là que notre vibration monte. Puis plus que notre vibration monte, ben là, plus que on va être capable de percevoir les extraterrestres qui sont présentement sur la planète ici. C'est juste qu'on n'a pas le taux vibratoire pour les voir face to face. On a peut-être le taux vibratoire pour les voir en rêve, pour les voir dans des états altérés. Mais là, on parle ici de face à face. Puis pour que on puisse voir les extraterrestres qui sont présentement sur la planète en attente du first contact qui va être, selon Bachar, selon les probabilités, d'ici les 5 prochaines années. Ben là, il se met à tête un peu sur le bûcher en disant ça, parce que Définitivement. dans le passé, il y a beaucoup de personnes qui ont annoncé un premier contact imminent, puis là, c'était proche, puis il y a eu beaucoup de médiums, de gens qui ont fait des prophéties là-dessus, puis ça s'est pas nécessairement arrivé. Il n'y a pas eu, entre autre, de rendez-vous à fin février 2023, là, entre les humains et les extraterrestres. En tout cas, j'en ai pas vu dans ma cour. Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, il existe plusieurs réalités parallèles qui se passent toujours dans le moment présent. Peut-être que c'est arrivé dans d'autres réalités, dans d'autres versions de Oui, la dans des planète réalités Terre. alternatives, ça, je suis d'accord avec toi dans le sens que si la conscience expérimente plusieurs scénarios simultanément, dans une réalité, présentement, on est peut-être mondialement en contact avec les extraterrestres. Puis, tu sais, c'est un peu comme en physique quantique où, dans le fond, on se pose la question par rapport au chat de Ratzenberg, est-ce qu'il est mort ou il est vivant? Puis la superposition des réalités puis des probabilités fait en sorte qu'il y a plusieurs choses qui existent simultanément. Ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est plus de l'histoire des prophéties qui a été faite par différentes personnes, que ce soit en l'an 2000, il y a arrivé telle chose, ensuite 2012 avec la fin du calendrier Maya, où on était supposé de passer dans une autre réalité. Certains parlaient de quatrième dimension. Ensuite, il y a une personne qui a annoncé pour 2023 le grand rendez-vous. Il y a plein de gens qui annoncent des choses. Moi, je me méfie de tout ça parce que pendant que les gens sont préoccupés par l'avenir, les prophéties, ils ne s'occupent pas nécessairement d'être bien dans le ici maintenant. Oh oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Je l'ai lancé comme ça, là, parce qu'effectivement, même lui-même, avant, en fait, on va dire il y a un an, il disait que le first contact, la première manifestation extraterrestre qui serait en fait visible et indéniable par une majorité de gens, c'était relié à fin 2026, début 2027. Puis là, avec les événements qui arrivent en ce moment, la réaction du monde par rapport à Donald Trump, tout ça, ça l'a comme repoussé un petit peu le calendrier. Mais lui, il dit, quand on regarde juste avec, ben lui, il dit, moi, je dis, c'est-à-dire que quand on regarde la vitesse de l'intelligence artificielle, où c'est que ça s'en va, quand on regarde aussi la genre de. Tu sais, j'ai remarqué ça il y a, au moins, il y a quelques mois. Tout le monde n'arrêtait pas de voir des drones partout, puis disait que c'était des extraterrestres, toutes sortes d'affaires. C'est comme si inconsciemment, les gens commençaient à se préparer à ça. Mais la raison pourquoi que ça peut varier, c'est en fonction des choix qui sont faits, parce que même lui, il dit, les probabilités sont très fortes, voire imminentes, mais tout dépendant des choix que l'humanité fait ou fera, Mais ben encore ce faut-il temps-là peut que varier. l'humanité ait un libre arbitre pour faire des choix. Parce que j'en reviens qu'un sujet de l'instruction chère ou à la conscience supramentale qu'a véhiculé Ouais. Bernard, lui disait qu'on n'a Définitivement. pas de libre arbitre. Donc si on n'a pas de libre arbitre, c'est pas nous autres qui peut choisir en prenant des décisions si on précipite ou on retarde le premier contact avec les extraterrestres. Ben, effectivement, ça, c'est une notion que j'avais beaucoup de difficultés à comprendre et à saisir. Puis la définition que j'en ai eue de Bachar, je trouvais que ça avait bien du bon sens. Pour lui, un âme, on va appeler ça de même, là, on s'en Oui. fâchera pas trop d'un terme qui s'incarne, à elle choisit de vivre un certain plan de vie qui va l'amener à se redécouvrir ou redécouvrir son contact, sa source dans ce type d'expérience-là. Ça, c'est l'expérience qu'elle a choisi de vivre. Fait que Mais là, on peut ça, dire, il y a un certain nombre d'événements ouais. qui vont se Ça, placer, j'ai de la mais difficulté. sa réaction Oui. par rapport à ces événements-là, comment qu'elle va naviguer dans tous les événements qui vont faire son plan de vie, ben ça va être le libre choix. Et le choix, c'est très important pour Bachar dans ce niveau de choix-là. Oui, mais ce type de notion-là, j'ai toujours eu bien de la difficulté. Entre autre, quand je regarde qu'est-ce qui se passe, s'est passé en fait dans les derniers mois dans la bande de Gaza, où les membres du Hamas ont été traqués par les forces israéliennes, et il y a des gens qui ont été accusés de terroristes qui se sont fait, dans le fond, attaqués là, par des missiles, etc. Puis il y a eu des dommages collatéraux qui vont dire, là, il y a eu des enfants qui sont morts, des femmes qui n'ont pas nécessairement commis d'actes terroristes. Fait que là, tu te regardes ça puis tu te dis, OK, dans le plan de vie de cet enfant-là, c'est de mourir par rapport à une explosion d'une bombe dans la bande de Gaza. Là, je regarde ça avec le recul. Est-ce que c'est une occasion de se découvrir dans la matière? Puis tu sais, on peut avoir un volet très angélique à travers l'existence humaine en regardant, en disant, ah, ben c'est une occasion de monter en conscience. Mais je me pose des questions là, par rapport à est-ce qu'à quel point l'homme a pu choisir un plan de vie ou est-ce qu'elle va finir découpée en morceaux là, par une bombe qui a explosé là, dans la bande de Gaza? Wow. Ben, il y a deux niveaux dans ce que moi je pourrais répondre à ça. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il existe juste le moment maintenant. Puis l'expérience qu'on est ici, c'est une partie de notre conscience qui choisit de venir vivre une expérience ici parce que notre conscience, notre soi supérieur, notre double, notre identité réelle, on va dire, est en esprit. Ici, c'est qu'un focus de notre esprit sur un plan matériel. Fait que, effectivement, puis le focus, ça permet de vivre une expérience qu'on est venu et en fait se découvrir d'une certaine façon d'une expérience parce que ce qu'il faut voir, ben pas ce qu'il faut voir, j'aime pas ça de la façon de le dire, mais c'est qu'il existe le tout il existe le tout, un tout qui comprend tout, qui n'a pas de réflexion, qui n'existe pas. Pas qu'il n'existe pas, mais qui se sait pas. Puis ce tout-là, il l'appelle All That Is, là. Il se décline en différentes formes d'expérience pour permettre de vivre une expérience. Fait que l'humain qui se fait sauter, on va dire, ou le bébé, qu'importe, ben ça, c'est l'expérience qu'il aura choisi de vivre et aussi qui aura choisi de vivre avec d'autres, parce que souvent, il peut y avoir des contrats qui sont faits sur le plan de l'esprit, qui disent, OK, on s'en va sur la planète Terre, vivre ce genre d'expérience-là. Puis pour vivre ça, moi, j'ai besoin que tu sois ça. Fait que souvent, là, faut pas mettre beaucoup de morale là-dedans, là, tu Ben, c'est sais. parce qu'il y a des choses très atroces qui se déroulent sur Terre. T'sais. On a juste à penser à la Ouais, Deuxième donc Guerre c'est sûr. mondiale avec les camps d'extermination des Juifs ou au Rwanda où des gens ont été découpés à la machette. Effectivement. Donc, l'autre partie de ça, c'est beaucoup les gens qui sont comme à l'extérieur de ça pour le moment, pour cette vie, comme moi et toi, souhaitons-le, c'est de justement de s'apercevoir de ça. Puis les gens qui se sentent très interpellés de ça peuvent, d'une certaine façon, à leur mesure, en fonction de leur engagement, essayer d'agir pour plus que ça se reproduise, cette chose-là. Puis encore une fois, ça, de faire ça, c'est une autre expérience que la vie nous offre de vivre, que cette personne-là qui a décidé de manifester, de faire tout ce qu'elle peut pour plus jamais que ça se passe. En soi, ça, c'est une expérience. Et puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment pas. C'est pas. Nous, on n'a pas une âme, c'est notre âme qui a un corps. Il faut vraiment faire la différence entre les deux, là. Fait que oui, il y a des gens qui sont juste venus là, que ce soit des bébés qui sont morts-nés ou quoi que ce soit, ben ils ont peut-être juste voulu toucher du doigt c'était quoi la vie matérielle sur la planète Terre, puis ils en ont eu assez de ce qu'ils ont vécu Mais le danger de ce dans type leur de expérience à eux. propos-là, des fois, c'est que j'ai l'impression que c'est que ça amène une banalisation de la souffrance. Dans le sens qu'on va dire, ben, c'est son karma. La personne, elle avait à vivre un viol ou de se faire attaquer puis de perdre un membre dans une explosion d'un obus. Ça fait partie de son expérience. Disons que là, c'est parce qu'on s'entend que ce genre de propos-là, on ne pourrait pas nécessairement avoir ça dans les médias traditionnels, parce que là, on aurait des messages de haine à pu finir dans les commentaires. Oh oui, ça risquerait Il de faut. créer des chocs, là. Ça, c'est clair, là. Fait qu'il faut vraiment savoir qu'ici, on essaye de mettre les choses dans une autre perspective, un point de vue beaucoup plus neutre sur la réalité. Parce que, en fait, il y a comme le mal et le bien, si on peut les appeler comme ça, les polarités sont là, puis ils existent. C'est juste qu'à un moment donné, il faut faire le choix de ce qu'on veut vivre. Puis la seule façon de faire un choix, pas la seule façon, mais la résultante de ce choix-là, par exemple, selon Bachar, toujours, parce Mais moi, qu'effectivement, je l'ai pas excuse-moi, nécessairement. j'aimerais mieux t'entendre parler selon toi, parce que si pour la suite de l'entrevue, tu me cites Ouais. régulièrement Bachar, c'est correct d'explorer le personnage, parce que tantôt je voulais le faire parce que les gens ne le connaissent pas. Puis je pense Et qu'après l'écoute de la vidéo d'aujourd'hui, ils pourront aller voir là, sur Internet des enregistrements pour goûter sa vibration. Mais moi, je veux t'entendre plus parler en fonction de toi là, à partir de maintenant. d'accord. Donc, selon toi, par rapport à ce type Oui. d'expérience-là que d'un point de vue humain, on peut trouver déplorable, là, dans le sens que la Terre est le scénario d'événements qu'on va qualifier de très mauvais, puis t'sais, on a à penser à tous les crimes, etc. C'est sûr que y a une dimension là-dedans, oui, qui peut être occulte, mais des fois j'essaye, puis j'étais curieux de t'entendre là-dessus, à voir c'est quoi selon toi le sens de tout ça, là. Le sens, c'est-à-dire que le sens, il est personnel à chacun, là. C'est-à-dire que moi, je me focus sur le fait d'être positif et de toujours trouver quelque chose de positif dans tout ce que je peux vivre. Si je réussis pas, ben la seule chose que je peux dire, c'est que ça, je préfère pas vivre ça. J'essaie de comprendre comment se fait-il que j'ai attiré ça vers moi. Lui, effectivement, ça m'empêche pas d'avoir une certaine compassion par rapport à ce que d'autres personnes peuvent vivre. Mais si ça me passionne pas ou si ça m'interpelle pas, ben ça fait pas partie de ma réalité plus que ça, là. Je peux pas, je suis pas insensible. Je trouve pas ça. Je suis content de pas avoir ça à vivre. Je trouve ça plate. Je suis content de pas avoir ça à vivre. Ces réalités-là. Mais le plus important, c'est de garder ma tête, j'allais dire froide, mais je dirais plutôt neutre et équilibré et orienté vers le positif parce que c'est le positif que je veux voir dans tout. Bien, ça t'amène à avoir une perspective optimiste, mais là, je voulais t'amener sur un terrain parce que par rapport à la pensée positive, le danger, à mon avis, qui existe, c'est la polarisation. Dans le sens que y a les gens qui sont négatifs, sont pessimistes, puis les positifs, là, ça crée comme une espèce de tension entre les deux. Mais c'est comme, dans le fond, quelqu'un peut dire, je vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais le point, c'est que derrière ça, premièrement, ça peut être intéressant d'être conscient des lentilles aussi qu'on a, là, mais c'est correct aussi d'être positif, là, je ne dis pas d'être négatif, mais à mon avis, il vaut mieux être neutre, c'est-à-dire regarder les choses avec une lentille qui est transparente, ni sombre avec des lunettes teintées, ni rose non plus, parce que le monde, comme moi je trouve depuis des années, parce que ça fait des années que je fais des enregistrements, j'étudie la société humaine, je trouve qu'il y a plein d'aberrations. Oui, ben en fait, moi, j'ai plutôt un passé que j'étais plus négatif que positif, que ce soit juste par rapport à les signes d'eau, par exemple. On a plus tendance à être négatif, plus négatif comme signe que positif. Donc, moi, j'ai gagné beaucoup. Je gagne OK. beaucoup à voir les choses plus positivement, mais c'est sûr que l'état idéal, c'est d'être, si on pas nécessairement positif dans le sens qu'on voit plus clair, là, mais une positive, une ouverture par rapport à tout ce qui se passe, mais en restant neutre, là. Donc, pour venir à ton exemple de Gaza, là, moi, je suis pas mal neutre, là, par rapport à ça. Je peux avoir des bonnes pensées, pour ces gens-là, mais je peux pas être plus que neutre, là. Ça me fait pas beaucoup réagir, là, plus que ça. Fait que oui, c'est le destin de la planète, c'est le destin de ces personnes-là. C'est ça. Moi, je pense que je crois toujours qu'on a quand même choisi une incarnation, un plan de vie, puis ces gens-là, ils ont choisi ça. Moi, si j'ai choisi la mienne à quelque part, eux autres, ils ont choisi la leur, ils peuvent pas être victimes de quelque chose, là. Ben, Ça, ça dépend c'est comment sûr. qu'on le voit, là. C'est parce que c'est sûr que dire qu'on a choisi notre réalité quand on vit au Québec ou pour les gens qui nous écoutent, il y en a qui nous écoutent en France, en Belgique, où on s'entend, tu ne recevras pas un missile ou une bombe si tu te promènes dans la rue, là. T'sais, je veux dire, t'es pas dans une zone de combat où à tous les jours tu côtoies la mort ou des gens qui sont blessés dans des ruines. Donc, comment dire, avoir une pensée où ce qu'on dit qu'on choisit notre vie quand on est dans un contexte un peu plus aisé que d'autres personnes qui sont carrément en mode survie ou ont des problèmes de pauvreté ou de famine ou même accès à des soins de santé, si on pense à qu'est-ce qui court dans la bande de Gaza dans les derniers mois, c'est moi je trouve ça plus facile, tu sais. Ouais, mais oui, je suis d'accord. Mais c'est souvent beaucoup. T'sais, supposons, moi, j'ai quelqu'un qui a peur d'arriver en retard à un rendez-vous. C'est la peur qui le drive, là. Si moi, je choisis de vivre pas par rapport à la peur, ben, je vais vivre d'autres expériences, là. Mais je dis pas que si j'ai peur, pour moi, la peur, c'est un signal de quelque chose qu'il faut que je regarde. Je ne la refuse pas. Mais si je la refuserais, j'aurais de plus en plus peur de tout. Donc, tout ce que je veux dire par là, c'est une question de focus individuel. T'sais, je comprends ce que tu dis, que c'est facile de dire ça, mais moi, je crois qu'on a un plan de vie, puis je me sens pas plus évolué que personne, puisque tout le monde, on est tous des êtres, on va dire, de lumière, des êtres éternels. Donc, je suis pas plus avancé que personne parce qu'on est tous au même niveau, mais on a choisi de vivre, là. Sinon, je Ben, trouverais attendez, mais ça, t'as tous je au trouverais ça même. beaucoup trop injuste que Ouais. quelqu'un, excuse-moi, tu sais, Oui, je que tu t'écoute. joues à la loterie, puis bing, toi, tu es handicapé, va vivre une vie d'handicapé, bing, toi, tu vas t'agresser, l'autre, tu vas recevoir une bombe sur la tête. Je trouve ça, le côté aléatoire de tout ça, moi, je ne suis pas capable de vivre ça, là. Ça ne rentre pas dans moi, ça. Ben, je te comprends très bien là, par rapport à cet aspect-là. Sauf que le point, c'est que le danger, c'est de rationaliser la souffrance d'autrui ou de la nier en disant, ah ben, ça c'est son plan de vie. Puis, l'espèce d'indifférence, dans le sens que si je pense entre autres à la société indienne, sur le plan historique, où il y avait la notion des castes. Donc, il y avait des gens qui étaient très riches, puis des gens qui étaient très pauvres, puis les pauvres, la façon qu'était fait le système, il n'y avait aucune possibilité d'émancipation sociale, puis elle ne cherchait pas non plus. Fait que la personne en est pauvre, puis elle reste pauvre jusqu'à sa mort. Puis c'est une fatalité. C'est ma programmation, c'est mon Oui. plan de vie, c'est mon Ben, karma. t'sais, on voit souvent là, des gens en Afrique, là, ou en tout cas, peut-être c'est ce qu'on a voulu nous montrer à la télévision, là, mais des gens en Afrique qui sont full de bonne humeur, qui sont toujours en train de danser, puis qui sont full heureux. T'sais. Souvent, on voit ça, là, des gens qui sont pauvres, on va dire pas pauvres, mais très pauvres, là, qui ont des difficultés à subvenir à leurs besoins de base. Eux autres, ils font le choix d'être heureux. Ils peuvent pas commencer à regarder juste le mal, parce que s'ils regardent juste tout ce qui arrive de mal dans la tête, ils vont se tirer une balle, ils vont aller se noyer, ils vont aller se pendre, là. Ça sera pas trop long. C'est une question de choix par rapport à où on met notre focus. Puis souvent, c'est ça, là, c'est une expérience par rapport à un autre. Moi, je vois pas plus de valeur ou moins de valeur. Mon expérience, parce que j'ai connu la conscience pré-mentale, tout ça, c'est pas mieux ou pire que quelqu'un d'autre qui vit d'autres choses, là. C'est vraiment une question de choix, là. Puis c'est ça, ma réponse. C'est que les gens à Gaza, là, ils doivent pas tout être en train de broyer 24 heures sur 24, là. Ils doivent avoir des joies, se faire des petites joies, des petits bonheurs, puis ils découvrent une certaine joie de vivre, là. Dans ces petits moments-là, même ils n'ont plus rien, c'est sûr, là. On sait pas grand-chose non plus de ce que les autres peuvent vivre, parce que les médias ils sont ce qu'ils sont, là. Donc, puis il n'y a pas de journaliste non plus là-dedans. Ben, des fois, on a des échos des médias, mais c'est sûr que souvent, ce qu'ils vont faire, c'est nous présenter des scènes dramatiques, là, où ce qu'on voit, par exemple, des parents qui ont perdu un enfant, qu'on dit qu'il a été tué en lien avec un bombardement, ou des choses comme ça. C'est sûr que les médias sont sensationnalistes, entre autres, parce qu'ils savent que c'est la façon d'avoir des codes d'écoute, attirer l'attention du public. C'est sûr que c'est beaucoup plus vendeur de voir des gens qui pleurent, devant, par exemple, un bâtiment qui est détruit, puis là, on dit qu'il y a des cadavres, surtout des cadavres d'enfants, que de présenter des gens qui dansent puis qui sont heureux. Donc, c'est la mécanique médiatique qui est comme ça. Souvent, les gens sont amateurs de drames, de sensations fortes, intenses, que ça fait vivre, que ce soit conscient ou inconsciemment. Il y a une forme de vampirisation qui s'opère de la souffrance humaine à des fins, d'aller chercher des codes d'écoute, ou aller chercher des vues sur Internet, là, ouais. Effectivement, c'est qu'il y a les médias ont leur responsabilité, mais les gens qui les écoutent aussi, puis effectivement, les gens qui ont besoin, là, de sentir une souffrance chez l'autre parce qu'ils sont pas capables de voir la leur à l'intérieur, ben de commencer à envisager que l'autre vit une souffrance, puis qu'il est pas mort encore, on va dire. Ou qui en arrache, mais bon, il est encore en vie. Ça permet à soi-même de pouvoir peut-être mieux apprivoiser la souffrance qui est à l'intérieur de soi, pour pouvoir accepter cette dualité-là, que oui, je souffre, mais oui, je peux faire un autre choix que d'être heureux ou d'être malheureux, c'est-à-dire. Quand tu parlais, j'avais même l'exemple, quand tu étais jeune, on avait des cours de culture religieuse en secondaire 5, ils appelaient ça de même, puis ils disaient qu'il y avait des peuples en Afrique, puis même en Inde, que quand il y avait une mort, Ben, tout le monde s'habillait en blanc, puis tout le monde dansait pendant 3 jours parce qu'il était content d'avoir connu cette personne-là, là. Fait que c'est toujours la réaction. Fait qui compte, mais il y a beaucoup de. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les médias, beaucoup de médias sont en perte de vitesse, les médias traditionnels par rapport aux médias sociaux, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont assez de se faire servir la même poutine de souffrance puis de malheur, puis ils ont le goût de voir d'autres choses dans la vie. Puis les médias sociaux permettent de présenter plus de choses qui sont plus en lien avec ce que le monde sont en général. Oui, parce que les médias, dans le fond, de masse, on l'a vu pendant la période dite de pandémie. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont répété ad nauseam, là, à moult reprises, le même discours, avec une pensée unique en lien avec la gestion de la crise. Au lieu d'écouter les différents points de vue de différents spécialistes, non, il y avait juste une ligne, puis les personnes ne pouvaient pas dévier de ça. Puis hors du narratif officiel, point de salut, les gens se faisaient traiter de complotistes, d'édentés, d'imbéciles, de covidiots, etc. Donc les gens qui adhéraient pas. Donc ça a été une période très sombre là, dans les médias, là, d'obscurantisme médiatique qu'on a connu depuis Ah. 2020. Hein? Ça nous faisait, ça nous rappelait, pour ceux que ça concerne, dont moi-même, je pense que ça nous concernait tous dans une proportion qui est personnelle à chacun. Ce que les médias québécois ont reflété, c'est une énorme insécurité par rapport à qu'est-ce que ça pouvait vivre, nous faire vivre en tant que peuple, puis comme gouvernement, puis tout ça. Puis l'espèce de sentiment de manipulation qu'on avait besoin de voir à l'extérieur de soi pour mieux réaliser à l'intérieur de soi les parties de soi-même qui sont encore orientées vers ça. À un moment donné, quand tu décides que, bon, toi, ben toi, chaque personne, là, pas nécessairement, chaque personne dit, Oui. bon, mais là, moi, la perspective, le regard que je choisis de regarder, c'est un regard beaucoup plus positif, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus engageant, beaucoup plus complet, beaucoup plus rassembleur. C'est pas du tout ce que les médias traditionnels nous proposent. Moi, ce que j'ai, puis souvent, ben là, Ben, ils quand on voulaient nous regarde mon rassembler fil. alentour de leur narratif, c'est-à-dire que tout le monde doit être à 6 pieds des autres, là, le 6 mètres de distanciation sociale, tout le monde doit porter le masque, tout le monde doit suivre le Saint-Évangile, là, que j'appelle sanitaire, là, avec un peu d'humour, là, à se faire injecter plusieurs doses, là. Il y avait toute une programmation des comportements sociaux clairement établis qui était attendue par les gouvernants, que les médias en faisaient la promotion, donc. Il cherchait à nous rassembler dans ce narratif-là, donc tous unis contre une menace, en soumettant tout massivement à des mesures de contrôle à différents niveaux. Si on pense au couvre-feu qui a eu cours au Québec, ensuite le fait que les non-injectés n'avaient pas le droit de fréquenter certains commerces, aller dans des lieux publics comme des restaurants, aller au cinéma, des choses comme ça. C'est sûr que, tu sais, moi, je suis pas vacciné du tout, mais ça m'a demandé quand même à certaines occasions, tu sais, tu dis, bon, ben là, tu es comme tout seul. Moi, où je travaille, je suis le seul. J'étais la seule personne non vaccinée. Et puis, ça m'a demandé quand même d'une certaine capacité dans moi-même de dire, bon, ben là, je m'affirme pas parce que là, c'est vraiment pas une bonne idée. De toute façon, c'est personnel. M'affirme pas dans cette réalité-là, mais je la contiens. Puis ça m'a permis de vivre cette expérience-là. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. la question des complotistes puis des soumis puis tout ça, là, moi, je peux pas dans ma tête aller dans ces registres-là. Je peux pas. Je suis pas fait de même. Il faut absolument. Moi, je suis plus dans une autre traque à côté qui regarde qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on n'a Ça, pas c'est. nécessairement à changer les autres. Moi, c'est sûr que par rapport aux gens de mon environnement, moi non plus, j'ai pas été injecté, puis je sais que c'est le cas de certains autres auditeurs et auditrices, dont notamment certaines personnes que j'ai interviewées. Mais moi, je ne cherchais pas à m'ostiner avec les gens au travail ou des gens de la famille qui adhéraient au narratif. Dans le sens qu'à un moment Alors. donné, ça ne sert à rien de gaspiller de l'énergie. Puis dans les faits, si l'injection est efficace ou pas, ou s'il y a des effets secondaires, ben, les gens, au fil du temps, vont le voir ou vont l'expérimenter. T'sais? C'est tout simplement ça. C'est le réel qui va les rattraper en lien avec ça. Donc, ouais. C'est les gens qui accordent, qui pensent à ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui sont vaccinés, qu'eux autres, ils ont déjà passé un autre sujet, puis c'est fini, puis ils en parleront plus de ça, là. Tu sais, c'est peut-être déjà plus dans la réalité de certains nombres de personnes vaccinées non plus. Eux autres, c'est à faire, il y en a qui ont fait ça pour différentes raisons, là. Les jeunes, là, ils ont fait ça pas pour les mêmes raisons que d'autres, là. Oui, Je c'est à pense que... chacun son expérience là, en lien avec ça, là. Ça c'est clair. Mais parlant d'expérience, je voulais t'amener à savoir, est-ce que tu avais vécu une expérience particulière qui t'avait amené, entre autres, à t'intéresser à Bernard de Montréal, Daniel Ménard, puis plus récemment là, à Bachar? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur chez toi dans ton vécu qui t'a amené à t'intéresser à tous ces gens-là, entre autres? Ben, disons que non, quand j'étais jeune, j'avais surtout une soif, on va dire, sans fin d'ésotérisme, de vouloir comprendre, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, de vouloir comprendre. Fait que c'est ce que Bachar m'a finalement apporté, même si Bernard en avait apporté un gros. Chacun de tous ceux que j'ai, les majeurs que j'ai rencontrés, là, notamment ces trois-là, ces trois majors pour moi, ont permis d'expliquer tout ça. Tu sais, c'est comme des lois de synchronicité. Là, moi, j'avais vu quand j'avais, je pense, 12 ans, Richard Glenn au canal Vidéotron interviewant en noir et blanc Bernard de Montréal. J'avais comme scotché là-dessus, là, vraiment intense. Là. Quand j'avais vu ça, ça m'avait resté marqué. Puis après ça, c'est quand je travaillais comme à la presse. Je distribuais les journaux en camion au camelot pour des dépanneurs. Puis c'était mon chauffeur. Moi, j'étais comme l'helper. C'était mon chauffeur qui écoutait ça. Il disait, hey, veux-tu écouter ça? Puis c'est comme ça que ça a parti, là, tu sais, un chauffeur, un livreur de journaux qui m'a inclus à ça. Puis après, bon, ben là, j'étais pas mal plus Bernard que Daniel. Mais quand Bernard est mort, ben, moi, je cherchais quelqu'un en vie. Puis Daniel, je pense qu'il a bien représenté. Il distorsionnait pas le message du tout. Fait que c'est comme ça que j'ai continué avec lui. Puis lui, c'était vraiment le message de l'action, là. Clairement, pour Daniel, là, toute pensée qui n'amène pas à l'action, là, ça vaut pas grand-chose. Oui, ben lui, il était plutôt dans la pratique. C'est-à-dire, de ce que j'ai compris, c'est que Bernard de Montréal est un peu comme l'architecte, l'ingénieur qui amène les principes. Puis, Daniel était plus dans l'exécution, dans le sens du vécu concret, de la conscience, de la personne au quotidien, là. Puis, une intégration plus à ce niveau-là. Oui, t'es beaucoup plus pratico-pratique. C'est sûr que dans ces conférences, là, Daniel, tu sais, ils sont pas toutes bonnes. Puis contrairement aux deux autres, lui, il était comme, on va dire, peut-être un peu plus incarné. Puis des fois, il était obligé de déclocher, puis de parler de ses chats, de parler de ses motos pour relaxer. À peu près, il repartait sur un autre sujet. Mais c'était quand même pas mal intéressant. Puis moi, pour avoir écouté pas mal toutes les cassettes de Bernard, il y en a une couple de gang là-dedans qui sont ultra plates, là. Mais il y en a il y en a plein d'excellentes, là. Fait que, tu sais, c'est le message qu'il faut en tirer, là. Il faut vraiment s'attacher beaucoup plus au messager. Puis moi, c'est ce que j'ai pu comprendre Ben, de attends une minute, Bernard, là, c'était... moi je dirais plutôt faut s'attacher, ben faut intégrer plus le Excuse-moi, message que message, le excuse-moi, je me messager, suis là. fourré. Ouais, c'est ça. Parce que sans ça, on peut tomber dans le cul de la personne, puis ça peut virer en dérive sectaire. Non, définitivement, là, ma bouche, mon cerveau, là, ça l'a. Non, ben y a pas de problème, mais j'ai l'impression que tu es une personne insatiable, que dans le fond, tu veux tout le temps chercher des réponses de plus en plus précises avec le temps. Oui, effectivement, c'est très fort chez moi, malgré que là, ça s'est pas mal calmé depuis un an et demi. OK. Mais il y a toujours des... Il y a des grands pans de notre histoire, de notre vie, de comment ça marche la vie, qui n'ont pas été expliqués par Daniel Bernard. Puis je vais sûrement peut-être à un moment donné trouver ou tomber sur un autre personnage. Mais il faut, moi, à mon avis, comment dire, parce que tu me fais penser un peu à moi. Pendant plusieurs années, j'ai été insatiable, j'ai interviewé plein de personnes pour avoir des perspectives sur plein de sujets. Puis à un moment donné, je suis en venu au point qu'il fallait que je me donne à moi-même mes réponses, en canalisant moi-même des choses. Puis c'est ça qui m'a apporté au fil du temps plus de satisfaction. Ouais, ben là, ça, c'est aussi un acquis ou une expérience que Bernard et Daniel m'ont donné, là, clairement, là, je peux avoir des réponses assez facilement, là, sur ma vie quotidienne ou comment je peux vivre, là. Je suis quand même assez calme, assez équilibré, mais on peut dire que j'ai des mémoires, j'ai un chien, fait que j'écoute des podcasts pendant que je le promène, 2 heures par jour, en général, 1 heure et demie à 2 heures par jour. Fait que la vie fait en sorte que je préfère écouter souvent des podcasts que d'écouter de la musique. Ben, c'est correct. Moi aussi, j'aime Je suis un écouter. intello, Oui, ben, c'est ça je sais. correct. C'est pas mauvais en soi. Moi-même, j'aime écouter des enregistrements liés à la conscience quand je marche à l'extérieur ou quand que je vais faire du ski de fond aussi. Sauf que le point, c'est qu'avec le temps, j'ai réalisé l'importance de me donner à moi-même mes réponses pour sortir d'un état d'insatiabilité que j'avais depuis plusieurs années. Qui faisait en sorte que je cherchais à l'extérieur de moi-même, en réalité, les choses que j'ai déjà en moi. Oui, effectivement, c'est un bon point, c'est vrai. Donc, disons que moi, souvent, quand je peux écouter des conférences de personnages, là, des fois, souvent, je compte ça à ma conjointe le soir quand ce que j'ai écouté des fois qui pouvait vraiment sortir de l'extraordinaire, là, puis souvent, juste en le parlant, des fois, je peux me mettre à pleurer, là, parce que en le parlant, ça me, j'allais dire, me force à reconnaître que j'ai cette partie-là en dedans de moi que j'avais nécessairement refoulée. Puis tant que je ne reconnaîtrai pas telle ou telle limitation que je peux avoir ou telle croyance négative, ben, je ne pourrai pas bénéficier faire le choix de voir la réalité d'un autre œil plus positif ou plus neutre, là, tout dépendant. En tout cas, plus conscient là, par rapport à quelque chose, là. Donc, c'est sûr qu'en réalité, moi, la façon que je vois ça, c'est que les autres sont des reflets de partie de nous-mêmes, dans certains cas non intégrés. Puis. Ben en fait, pas mal tout, ouais. On est tous, ce qu'on voit chez l'autre, c'est une partie de soi-même non intégrée, clairement. Ben non intégré ou que notre regard est porté sur tel ou tel aspect de cette chose-là, parce que la réalité, c'est une construction, là, comme on sait, là, toujours le fameux exemple qu'il y a deux bébés qui sont à la plage, qui jouent sur le bord de l'eau, puis là, il y en a une vague qui arrive sur les deux, il y en a un qui pleure, puis l'autre qui rit, là, tu sais, c'est simple de même, là, le focus qu'on a ou... L'expérience qu'on a à vivre là-dedans pour être plus devenir plus ce qu'on est finalement. Oui, exactement. Mais c'est sûr que dans le fond, tout est dans l'œil de celui qui voit, comme la beauté d'une œuvre d'art ou d'une photographie. Il y a une dimension très subjective en lien avec ça. Puis la conscience. Qui amène la constitution de la réalité dans laquelle on vit, dans le sens que donner sa perception sur quelque chose, c'est de le constituer. C'est sûr que j'avais étudié, entre autres, le philosophe jovialiste André Moreau, qui parlait beaucoup de la notion que l'être humain, dans le fond, en voyant le monde, il constitue le monde en même temps. Oui, c'est à 100%, oui, c'est la réalité. D'ailleurs, c'est avec André Moreau que j'ai connu Franck Lobvet, OK. parce qu'il avait fait il a Oui, un fait une enregistrement entrevue avec avec lui lui. sur Internet. D'ailleurs, je l'avais écouté aussi. Franck Levet, je trouve qu'il a une très belle sensibilité. Mais il y a une dimension spirituelle chez lui que des fois j'aime moins parce que il va pas comme, mettons, Bernard ou Daniel Ménard rentrer dans la colère mentale. T'sais, il ne touchera pas à cette zone-là de destruction de forme. T'sais, il est plus doux, il est plus pondéré. Je le sens plus dans du politiquement correct, là. Ouais, ben, effectivement, lui, il est... oui, ben, disons, c'est parce que c'est ce qu'il choisit de proposer, là, parce que pour lui, il y a beaucoup de gens, puis pour moi aussi, je suis d'accord, je veux pas, je vais essayer de rester dans moi-même comme tu me demandes, là, mais Oui. sans, lui, il appelle ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont perchés. Perchés, ça veut dire qu'à quelque part, il y a des gens qui s'intéressent énormément, on va dire, à la spiritualité. Puis il y a un paquet d'affaires théoriques ou ésotériques ou qui sont pas reliées ou connectées nécessairement à eux, à leurs émotions, à ce qu'ils vibrent, à ce qu'ils ont le goût de faire. Fait que souvent, c'est des fuites de s'intéresser à certaines choses qui sont pas connectées à soi-même. Fait que je trouve que c'est pour ça que Frank Lovell est très, très connecté sur l'authenticité. Ça, c'est la principale qualité que je trouve de cette personne-là. Il est tellement authentique dans ses séminaires là, que c'est. Il peut pas rester indifférent à ce qu'il dit. Moi, j'en ai broyé là, Oui, ben, il y a une très plusieurs belle shots. sensibilité, très belle écoute aussi. Oui, à ce niveau-là. Par contre, dans le fond, si on la regarde en lien avec la dimension plus, disons, vibratoire, brutale de la conscience, c'est sûr que des fois, comment dire, ben, en tout cas, ch chacun vit ses choses à sa façon, là, mais des fois, j'ai l'impression qu'il est pris un peu dans des formes spirituelles. Ben, disons que faut savoir que c'est un grand clairvoyant, mais ce que je veux dire, c'est que pour continuer dans le sens que tu parles, Frank Lovell, pour moi, c'est l'authenticité. C'est une qualité que j'ai pas vue chez d'autres autant que chez lui. Puis quand on parle de colère mentale, de tout ça, là, moi, j'ai plus retenu le message de que ça m'amène une électricité pour passer à l'action. Colère mentale, c'est de me sentir dominé, comme Bernard pouvait en parler. Moi, je vis pas ça nécessairement beaucoup. Puis je trouve que c'est très relié à sa personne. Et à sa personne, on va dire, pour parler dans les termes de Bernard, là, astral. Parce que clairement, lui aussi, là, il est né sur la planète. Comme on a dit tantôt, c'est un humain. C'est pas Exact. quelqu'un qui est channelé, c'est un vrai humain. Parce que je pense qu'il y a des façons de vivre la conscience autrement que la façon de dominer. Parce que oui, à quelque part, il y a un côté que pour voir clair, là, ça prend énormément de lucidité. Puis c'est ça que moi, j'aime pas le sentiment d'être dominé. Ça, je le maîtrise pas encore. Peut-être que j'ai des petits conflits internes qui sont pas réglés avec mon père ou avec l'autorité. Mais moi, de me sentir là, que je de casser la domination, c'est comme ça ne fit pas parfaitement dans moi. C'est ça que j'ai, que, à quelque part, nous, on est là, à mon avis, pour rester neutre, puis voir le positif dans chaque chose. Ça, c'est comme une autre façon que j'ai trouvée avec l'autre personne qu'on ne parlera pas, qui me donne plus d'élan pour travailler, pour vivre, là. La question de la colère, là. Moi, je ne l'ai pas vu chez grand monde, là, ça, l'efficacité de tout ça. Là, je ne trouve pas que ça a monté beaucoup ma vibration. Je trouve que c'était très personnel à Bernard de Montréal, cette affaire-là. Puis même Daniel, lui, il pouvait se fâcher, mais pas dans les mêmes registres, pas de la même façon. Dans des grandes crises, peut-être. Là, puis là, c'est ça, c'est des choses très, très intenses. Mais c'était pas son modus operandi là, de régler les choses de la même façon que Bernard avec la colère. Parce que même, je pense que je l'avais écouté dans une cassette là, qui avait dit que le but, c'est juste de devenir électrique pour passer à l'action. Puis on va dire pas trop réfléchir pour casser les formes, puis propulser un nouveau mouvement. Fait que c'était un petit peu. C'était l'expérience ou la situation que Bernard, lui, a voulu vivre, là, de toujours vivre ça dans une forme de vouloir être, de pas penser, de penser qu'il était dominé, là. Oui, il l'était, mais il y a plusieurs façons de vivre ça, à mon Ouais, avis. mais c'est quand même, tout ça, c'est subtil. Mais ce que je peux dire par rapport à la colère mentale, c'est que quand on souffre, par exemple, parce qu'on vit de la peur, on vit un état de tristesse, on peut vivre une espèce de forme de révolte intra-psychique, donc de se révolter dans son for intérieur, puis mettre son poing sur la table en montant en colère en disant ça suffit. Puis là, ça peut casser la vibration de la peur momentanément. La colère va comme dépasser cette vibration-là. Fait que ça peut donner une espèce d'élévation psychique momentanée pour sortir une espèce d'état de sombre mouvement là, émotionnel qui nivelle vers le bas, là, que ce soit de la peur ou de la tristesse ou des choses comme ça, ou d'impuissance. Ouais, moi je l'ai jamais vécu ça, cette chose-là. Là, j'ai OK. déjà entendu parler quelques autres personnes qui disent l'avoir vécu cet état-là, là. Mais moi, j'ai pas été impressionné vraiment beaucoup par des gens qui m'ont donné des exemples précis de ce qu'ils ont vécu. Je trouve pas que ces gens-là, ils ont monté beaucoup en vibration, là. C'est souvent les mêmes poutines qui changent plus ou moins. J'ai pas vu de gros changements de vie après. C'est sûr qu'on est peut-être toujours dans la subtilité, puis etc., là. Puis la vie aussi ne va toujours nous représenter un autre événement pareil ou similaire pour voir si on a vraiment compris. Ça, j'ai jamais vraiment vu. D'autres personnes m'ont pas parlé de ça, là. Ils disent quand c'était réglé, mais moi, j'y crois pas beaucoup à ça. Je préfère plus choisir, faire m'apercevoir de l'abondance de choix que je peux avoir. Puis de choisir la personne que j'ai envie d'être parce que je sais profondément que je suis juste un reflet de mon esprit. Et puis ça, on se le dit pas assez souvent. Puis d'entrée de jeu, on regardait autant Daniel que Bernard. Il y avait une grande, pas ascendance, mais autorité. Il n'était pas autoritaire, mais il y avait beaucoup d'autorité quand il parlait, justement parce que il avait comme pris conscience de la prépondérance de leur esprit dans la réalité, parce que c'est sûr que la réalité, c'est pas nous autres qui la décide beaucoup. On est plutôt là pour en faire l'expérience, puis de voir dans cette expérience-là qu'est-ce qu'on choisit de vivre ou de pas vivre, comment qu'on choisit de le faire ou de pas le faire. Puis peut-être que Bernard, lui, dans cette façon-là de dire que c'était la colère, ben c'était comme sa façon de dire que, OK, là, je vais choisir d'autres choses ou Mais c'est parce que ça amenait un changement vibratoire. T'sais, si tu observes quelqu'un qui vibre à de la peur puis il est en colère, il y a une dimension de dynamisation. Parce que quelqu'un peut être mobilisé par l'énergie de la colère pour agir, alors que s'il est dans la peur, il peut figer puis se sentir impuissant. Ouais, ben là, ce qu'il sent, c'est ce que la personne ne réalise pas, c'est qu'il sent sa très grande énergie canalisée dans la peur. Mais si la personne réalisait que c'est sa grande énergie, point, c'est lui qui va mettre la couleur qu'il choisit, même s'il pense qu'il a peur. Bon, c'est sûr que si tu as peur parce que tu as un crocodile en avant de toi, c'est une chose, là. Mais si tu n'as pas, tu pourrais choisir. S'il y a d'autres personnes qui ont vécu les mêmes situations puis qui ont fait d'autres choix, c'est que ça doit être possible de choisir d'autres choses que la peur, là. Fait que la seule chose qu'on sent dans des grands moments intenses, c'est notre énergie. Fait que. Oui, mais habituellement, il y a trois réponses humaines par rapport à une menace. Soit que le combat avec la colère, soit que la personne fige, ou la personne fuit. Donc, il y a fight, il y a freeze, ou puis l'autre, la fuite en anglais, là, en tout cas, il y a trois F, là, c'est une théorie très simple, mais en lien avec ça, par rapport à ces types de réactions, c'est sûr que moi, je me questionne souvent à savoir à quel point la personne choisit sa réaction, dans le sens que par rapport à une menace, l'organisme peut réagir à une certaine mesure d'une manière automatique, un peu comme quelqu'un qui voit un crocodile ou un ours, sans la personne réfléchir ou intellectuellement, en utilisant son néocortex, avec des équilibrations mentales. Il y a comme une spontanéité d'une réaction par rapport à un de ces trois axes-là que je viens de mentionner souvent qui va arriver, là. Ouais, ben c'est une façon de voir la réalité. Je pense que je trouve qu'il y en a d'autres, là. Mais oui, c'est sûr que c'est une façon de l'expérience. Mais quand on parle, pour complémenter sur ce que tu dis, ça, c'est vraiment, je crois, il y a des choses qui sont clairement dans la destinée, qu'il n'y a pas de libre arbitre, là. Tu sais, si un ours qui est supposé arriver en avant de toi pour faire X, Y, Z dans ta vie, ça, c'est de la destinée. C'est ce qu'on n'a pas nécessairement de libre arbitre. Ça, c'est le bout qui est comme coulé dans le béton. Comment qu'on va réagir, ça, c'est notre choix OK, donc on peut, c'est subtil ce là-dedans. que tu dis. C'est-à-dire qu'on peut choisir notre réaction, mais pas nécessairement l'événement en lien avec une destinée, c'est-à-dire une imposition là, qu'on subit. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu as dit. Là. Je voudrais que tu répètes, je m'excuse Il n'y pour a les auditeurs. aucun souci, dans le fond, Jean-Charles. C'est qu'en ligne, ce que tu dis, c'est subtil, dans le sens que d'un côté, tu dis qu'on peut choisir notre réaction par rapport à un événement, mais on ne choisit pas nécessairement l'événement. Oui, ben c'est sûr que tu sais, il y a des événements extrêmes que là, c'est vraiment le réflexe qui choisit, là, tu sais. Mais si on vit quelque chose là, puis qu'on le gère intelligemment dans notre esprit, ben l'événement pourra arriver, mais ça va être un mal de tête à la place d'un accident de char, là, tu sais, ça, il y a quand même une énergie qui est là, qui doit être gérée, qui arrive, qui fait partie de notre expérience. Puis c'est à nous de choisir comment on veut vivre ça. Puis la vie est tellement généreuse qu'elle va nous donner la possibilité de vivre les trois, le côté négatif, le côté neutre, puis le côté positif. Fait que c'est vraiment juste, c'est juste un choix, là, t'sais. C'est comme les gens qui disent qu'ils n'ont pas de contrôle, là. Ben là, tu peux être sûr que tu te donnes 100% l'impression de ne pas avoir de contrôle, mais tu contrôles ton fait dans ta tête que tu penses que tu n'as pas de contrôle. Tu sais, C'est c'est comme paradoxal. l'œuf ou la poule. Ouais, c'est ça, c'est paradoxal, dans le fond. Oui, c'est. Tu sais, tu peux avoir 100% confiance que tu doutes d'envie. C'est des choses comme ça qui sont toujours aussi une forme de polarité. Si tu as du doute, c'est parce que tu as 100% confiance, tu n'as aucun doute que tu as du doute. C'est ça. C'est des choses là, qui sont encore une fois, il faut être capable de mettre de la lumière là-dessus pour mieux faire un choix éclairé. Oui. Ce que Daniel et Bernard et tous ces gens-là veulent ont essayé de nous apporter. Puis, toi, à travers, parce que tu as fait l'automne passé, lors de l'année 2024, une conférence, puis présentement, tu me parles. Y a-tu un message ou quelque chose que tu veux apporter aux gens à travers ton propos? Ben, disons que j'ai pas non, mais je m'attendais pas. Ben, on n'avait pas prévu aucune question ensemble, évidemment. Là, tu sais. C'est plus moi, c'est mon message personnel, là. C'est-à-dire que moi, avec les choses qui se passent dans ma vie en ce moment, il y a beaucoup de changements OK. au niveau professionnel. Puis si j'avais pas là. En fait, mon dernier bout de chemin avec un an et demi avec Bachar, j'aurais vraiment frappé un mur, là. J'aurais pas été capable de m'en sortir. Donc, c'est pour ça que je l'ai répété. Je ne veux pas le répéter trop, là, mais tu sais, moi, je ne comprenais pas ça, l'histoire du choix, qu'on pouvait avoir un certain choix, parce qu'on regarde le premier livre, le premier chapitre de la Genèse du réel, c'est l'absence d'un libre arbitre, là. T'sais, il y avait de la dissonance dans ma tête. J'avais besoin de découvrir d'autres perspectives. Quand on regarde la question de la vibration aussi, de mettre le focus sur quelque chose, c'est sûr que ça va amener cette chose-là, là, tu sais, parce qu'il existe le temps dans d'autres dimensions terrestres n'existe pas. C'est ici qu'on vit l'expérience de tout ça. Ça a été démontré même par Stephen Hawking, le mathématicien qui est en chaise roulante, là, Oui. paraplégique, il avait écrit un livre physique là-dessus qui démontrait que le temps n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, si le temps n'existe pas, c'est seulement ce qu'on pense qui va, ce qu'on pense, les idées qui nous passent dans la tête, qui vont se manifester encore plus. Donc, on ne peut pas dire, ah, j'ai hâte de ceci ou hâte de cela, parce que ce qu'on va vivre, c'est toujours de la hâte, c'est toujours de l'attente. Ah, je vais attendre d'être ici pour vivre cela. Donc, moi, j'ai comme décidé là, de regarder beaucoup plus dans je suis. C'est je suis une personne fondamentalement abondante, fondamentalement pleine de ressources. Une personne qui est bonne à côtoyer. Donc, toutes des choses au présent, parce que l'univers comprend juste le présent, comprend pas d'autres choses. On disait souvent, les scientifiques, ils disent, le cerveau comprend pas la négative, comprend pas la négative. Quand quelqu'un dit, je suis pas déprimé, le cerveau, il va entendre, je suis déprimé. Quoi? Exactement. C'est comme l'expression ne pense surtout pas à un éléphant rose, puis là, la personne va penser Mm. à ça. C'est ça, c'est la même chose. Donc, l'univers est au présent. Moi, j'avais besoin, je l'avais entendu, les exemples scientifiques, Stephen Hawking, puis tout l'exemple que je viens de te parler, j'avais déjà entendu ça, mais j'avais besoin de l'entendre, mais avec tout un background plus occulte, plus expliqué dans les racines de l'explication pourquoi que la vie est structurée de telle et telle façon. Fait que là, je me trouve quand même beaucoup plus satisfait dans ma soif de connaître plein de choses. Puis je trouve que ça me passionne de parler de ça avec toi, puis que ça m'a passionné aussi de l'autre conférence. Puis ce que je trouvais aussi beaucoup, ce que j'ai fait avec l'autre conférence cet automne, c'est que je trouvais ça, c'est encore, je vais dire, j'ai de la misère à dire que c'était pas un jugement, là, mais je pourrais dire dans d'autres termes que je pressentais ou que je sentais. Puis je trouvais ça dommage là, que beaucoup de gens étaient très focus sur l'enseignement de Bernard de Montréal. T'sais, je peux pas dire que je les comprends pas parce que moi-même, de 88 à 2005, je pense qu'il est mort, j'étais 100% là-dedans En fait, il est mort complètement. en 2003, là, mais Ouais. c'est ça, C'est ça, dans ces j'étais eaux-là. Mais je te. 100% addict. Ouais, non, je comprends. Ben, c'est sûr que ce qui arrivait, c'est que Bernard de Montréal, de par son charisme, puis aussi son franc-parler, il y avait le verbe facile, un vocabulaire très vaste, il était très intelligent, très vif. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont focusé, ont centré son attention sur lui. Et probablement, ce qui est peut-être arrivé, c'est que, parce que toi, tu as fait ta conférence ici au Québec l'automne passé, fait que probablement que j'imagine qu'il devait avoir dans la salle des anciens séminaristes de Bernard de Montréal ou des gens qui ont gravité là, autour de lui ou de son œuvre, là. Ouais, c'était plutôt, je te dirais, ceux qui n'ont pas gravité, là, qui l'ont connu Oh! après. OK, à Parce que je travers te les dirais que enregistrements sur dans Internet. les gens qui ont assisté aux rencontres de Bernard, je suis dans les plus jeunes. Et je compte sur les doigts de la main les gens qui ont mon âge, ou qui sont un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, là. C'est vrai La qu'il y en a beaucoup majorité qui du sont monde sont plus vieux. décédés Moi, j'ai aujourd'hui. 57 en ce OK. moment, puis je suis vraiment dans les plus jeunes. OK. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont décédés, là, qui ont connu Bernard de Montréal. Là. Si je pense à Pierre-Luc que j'avais d'ailleurs interviewé sur ma chaîne, ou même Daniel Ménard Ouais. lors de l'année 2012 que j'avais interviewé, que vous pouvez d'ailleurs retrouver là, sur YouTube là, des enregistrements que j'avais fait avec lui. En fait, tranquillement, Je les les ai gens. toutes. Ah bon? Je les ai toutes. Le monde de Néo. Oui, à l'époque, j'avais utilisé ce pseudonyme-là, puis j'avais fait des vidéos. Et puis, c'est sûr que le point que je voulais amener, c'est que Il y a beaucoup de gens qui sont décédés, qui ont connu Bernard de leur vivant, en personne, en chair et en os. Et à l'époque présente, il y a des gens qui le découvrent à travers les vidéos, entre autres sur YouTube, là, sur la chaîne de diffusion BDM internationale. Et il y a tout un public aussi européen, que ce soit des gens en France, en Belgique, qui sont jamais venus au Québec, mais qui découvrent à travers la possibilité de ces enregistrements de goûter à quelque part la vibration de Bernard. Et c'est sûr que j'imagine par rapport au public, là on parle de Bachar, puis là il y a des gens qui vont l'évaluer en fonction des paramètres de Bernard. Ça peut créer une certaine forme de fermeture, mais ce que je dis aux gens, ben allez-y plutôt avec votre sensibilité par rapport à vous-même, puis regardez si vous vibrez ou pas à écouter son propos. Je pense que c'est la meilleure façon de voir si ça résonne ou pas avec soi, là. Définitivement. Puis il n'y a clairement pas de réflexion là-dedans. Ça, c'est sûr, sûr, sûr, sûr, sûr. Parce que moi, je sens ça tout de suite. Dès qu'il y a de la réflexion, je peux pas, je peux pas écouter ça de la même façon, là. C'est pas le même genre de choses. Oui, Fait exactement. que, La mais c'est nuance. quand même, je Oui. comprends les gens là, qui découvrent Bernard, là. Il y a des vidéos qui sont très, très impressionnantes là, encore aujourd'hui. Puis c'est full bon. Moi, j'ai trippé dessus fort, fort, fort pendant au moins 20 ans. Là, fait que je ne peux pas dire à personne de pas en tripper autant, là, sinon plus. Là. Ça, c'est sûr. Oui, exactement. Chacun a à vivre ses choses. Moi-même, au début, quand j'ai découvert l'œuvre de Bernard de Montréal il y a plusieurs années, j'étais très enthousiaste. Je passais mes journées à écouter ça. J'en parlais aux gens de mon entourage. J'étais très, dans le fond, investi là, dans l'étude de son matériel intensivement. Puis avec le temps, ben, les choses se sont calmées, se sont tassées, un peu comme quelqu'un qui est adolescent, qui est passionné par un groupe de musique. À un moment donné, ben, on fait le tour de l'œuvre, on sature, puis on va intégrer d'autres choses. Oui, c'est ça. Fait que dans ce sens-là, c'est ça que je la dis, je propose, là, mais je souhaite plutôt, c'est mieux dit, aux gens qui vont étudier d'autres choses en parallèle. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde avec toutes les stimulations qu'on a dans les médias sociaux, là, des reels là, qui filent un après l'autre. Les gens sont beaucoup plus. Ben, pas influencé, mais imprégné ou impacté par beaucoup de types de personnes, là. Moi, je suis aussi plein d'autres personnes dans le domaine de la santé, dans le domaine. J'adore Wim Hof, par exemple, The Iceman, le gars qui prend des bains dans l'Arctique, là, Oui. puis qui a la thérapie par le froid, là. Moi, j'adore ça, j'adore sa philosophie à lui aussi, là. Mais est-ce que tu as expérimenté de prendre des bains dans l'eau glaciale? Ben, disons que en ce moment même, j'en fais pas. Je n'ai pas fait en 2025, on va dire ça de même. Mais c'est sûr que pour les gens qui. Moi, la première fois qu'on m'a parlé de ça, j'ai dit ah, jamais de la vie. Pas compliqué. Puis ça, c'est mon fils qui m'avait parlé de ça parce que lui, il souffrait d'arthrite juvénile. Puis ça, il y avait de l'inflammation. Puis il cherchait des solutions. Puis ça en était une. Puis à un moment donné, il est arrivé, il m'a dit ah, papa, je me suis acheté un thermomètre. Qui s'insère dans la prise de la douche. Comme ça, tu peux voir exactement à quelle température que tu te fais immerger d'eau. Fait que là, moi, un petit peu techno, je dis waouh, je m'achète ça, ça coûte 20$ sur Amazon. Bon, Amazon, peut-être pas trop là d'en parler en ce moment, là, mais bon. Ça m'a mis à ça. Puis, cherchant la facilité pour répondre à ta question, je trouve que c'est beaucoup plus facile de prendre un bain froid que de prendre une douche froide, là. En ce moment, d'ailleurs, c'est beaucoup plus. On s'habitue vite, là. C'est sûr que la première fois qu'on va dans un bain froid, la seule chose qu'on veut, c'est mourir. Ou poser des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Ça dure peut-être une minute, mais c'est une bonne façon de calmer ici, là, la boîte à poux. Parce que tu le fais 2, 3 jours là, pendant une semaine, là, puis la troisième journée, en 20 secondes, tu es calmé complètement. Puis ça fait énormément de bien à l'organisme. Ben, ça amène Il y a la plein d'études sécrétion qui ont été faites massive là-dessus aussi. d'endorphines dans l'organisme. Donc, ça crée un Ouais. état de bien-être parce que ça amène une réaction avec la sécrétion de neurotransmetteurs qui induisent un état de bien-être. Moi, ce que j'ai expérimenté, c'est pas le bain à l'eau froide, mais le trempage de pieds dans l'eau froide à plusieurs reprises. Puis ça m'amenait à me détendre, puis ça me ramenait à la présence à mon corps, puis au moment présent, là. Ah oui, ça c'est full important, Oui. là. C'est vraiment, vraiment important. Ils ont même fait des études universitaires sur Wim Hof, là. Ils ont comme injecté une bactérie, la bactérie E. coli. Puis ils ont tout, ils étaient tous, il y avait plein de sondes partout. Puis en moins d'une journée, ils en étaient débarrassés. Je me souviens pas, je pense que c'était même plus rapide que ça. Mais ce que j'avais entendu Puis. parler, c'est que c'était bon pour stimuler le système immunitaire, pour le renforcer. Puis à des fins thérapeutiques dans des pays nordiques, il y a des gens qui allaient au spa, alterner avec des bains dans l'eau froide pour créer un effet de contraste puis stimuler l'organisme humain. Ouais, disons que ça c'est bien, mais c'est plus facile, je te dirais là. Quand on est à température pièce puis qu'on va dans le fret, ça c'est plus exigeant un peu. Oui. Juste pour finir mon exemple de tantôt, il Oui. avait dit là les gens des universités à l'hôpital qui l'étudiaient, ils ont dit ah c'est parce que c'est toi là, tu sais ça fait des années que tu fais ça, puis il a dit pas de problème, il dit trouvez-moi 12 bénévoles, je vais passer 2 semaines avec eux, je vais leur faire un training. Puis après, ils reviennent toutes les 12 à l'hôpital, puis vous allez leur injecter la bactérie. Puis toutes les 12 s'en sont sorties là, très rapidement, sans aucun symptôme ou presque. En moins de, tu sais, en 24-36 heures, ils étaient tous guéris. Fait que C'est c'est. intéressant à savoir. C'est sûr que ma curiosité, ça serait de voir si on leur injecte le coronavirus, la COVID. Ouais. Ça serait de voir s'ils guériraient. Comme ça, ils n'auraient peut-être pas Ouais. besoin de prendre une injection chimique dans cette optique-là. Ouais, c'est ça, ben c'est il y a même des choses sur TikTok commencent à circuler, là, qu'il y a de l'air TikTok a de l'air un peu plus moins interventionniste que les autres, là, avant l'arrivée de Donald Trump, on va dire ça de même, parce que là, Facebook, ils sont beaucoup plus permissifs, comme ils ont dit récemment, là. Oui, Mais il y a exactement. Là, des. il a enlevé les fact-checkers, Mark Ouais, c'est Zuckerberg, ça. là, donc qui faisait la police de la pensée sur ce qui était acceptable ou pas. Puis l'automne passé, 2024, il avait fait son mea culpa en disant que sous la pression de Biden, il avait censuré des gens, puis même quand que c'était de la satire ou de l'humour, là, en lien avec la COVID, là. Oui, c'est ça. Ben, ça va forcer. Ça veut dire que l'humanité est rendue prête à penser plus par eux-mêmes. Ben moi, je pense Ceux qui qu'ils pensent ont. pas par Oui, je t'écoute. eux-mêmes, ben ils vont vivre, ils sont prêts à vivre l'expérience des conséquences de tout ça, là. Ben moi, j'ai l'impression que c'est un ras-le-bol. Depuis les 4 dernières années, il y a eu beaucoup de censure et que Trump, dans le fond, qui a une approche directe, des fois, il y a des gens qui vont le trouver grossier, voire baveux, arrogant. Mais il cherche à amener les Américains à quelque part à être en puissance. T'sais. Puis là, il y a un vent de plus libéral, si on peut dire, moins gauchiste, où c'est plus comme lui, il va faire la promotion du libre marché, puis les Américains une croissance économique déréglementée, là, l'État. Puis là, il y a une déréglementation sur Facebook pour le contrôle des propos des gens, que les fact-checkers ou autres. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on tombe dans une voie qui est plus, dans le fond, libérale, là, capitaliste libéral, là, aux États-Unis, qui va imprégner le monde dans les prochaines années. Ouais, ben disons qu'il y aura sûrement des grands bouleversements, là, parce que pour moi, Donald Trump, c'est le chaos, là. C'est ça que ça l'amène. Pour moi, j'ai toujours trouvé ça correct, parce que ça prend à un moment donné, si on veut jouer un autre game, il faut brasser les cartes. Puis lui, c'est un spécialiste de tout ça. C'est sûr que ça sera peut-être pas nécessairement jojo à vivre au quotidien. Mais ce qui importe, c'est comment qu'on est ici, entre les deux oreilles. Ça, c'est le plus important, parce que c'est par là qu'on mesure, c'est par là que moi, je mesure mon degré de centricité. c'est dans c'est dans une certaine, ça peut être par rapport à la réalisation puis à la synchronicité que je peux vivre dans les événements qui fait que je sais que je suis à la bonne place. C'est aussi contrepartie, on va dire négative, par rapport à tout ce que Donald Trump va apporter. Oui, c'est sûr qu'il y avait vraiment besoin d'un coup de barre, là, parce que la gauche, puis le contrôle de l'information, puis la domination des grosses compagnies, ça va faire à un moment donné, même si il y a c'est comme des oligarques. Les oligarques, je me souviens plus du Oui, terme, là, les des riches qui oligarques, vont là, essayer comme de. les risques russes, là, qui gravitent autour de Poutine en Russie, on a un peu le même phénomène, là, avec Elon Musk, qui C'est ça. gravite autour de Donald Trump, alors qu'il est multimilliardaire. Puis il y en a d'autres aussi, là, industriels américains, là, si on pense à Bill Gates, Jeff Bezos, qui risquent d'avoir une certaine influence, là, dans le développement économique dans les prochaines années. Mais je sens qu'on assiste à un espèce de tournant aussi avec la venue au pouvoir de Donald Trump, dans le sens que l'idéologie woke, qui en anglais veut dire éveil, il y avait toute une rectitude morale derrière ça. Puis l'idéologie aussi écologiste qui est en valeur, donc de lutte au changement climatique, puis l'idéologie LGBTQ+, là, avec plein de lettres, c'est comme tasser de côté pour, dans le fond, avoir un agenda très différent, dans le sens que Trump, il adhère pas à les questions des non-binaires. Pour lui, il y a juste des gens masculins ou féminins. Ensuite, le récit écologique qu'on vit dans une situation de crise climatique, lui, est climato-sceptique. Puis, dans le fond, l'idéologie woke, là, où ce qu'on va prévoir, faire mettre de l'avant les valeurs d'égalité, là, qu'il y a une répartition, là, égale des hommes, des femmes, des gens de couleur, homosexuels, etc., pour les postes de pouvoir, ben, il a congédié, là, les gens qui s'occupaient de ça au sein de l'administration américaine. Donc, il y a comme un changement de valeur dans la société américaine. Et j'étais curieux de voir comment tu trouvais ça. Ben, c'est comme un peu un retour du pendule là, qui arrive là, parce que c'est sûr la menace entre guillemets ben, menace si menace il y a là, avec la Chine là, puis la nouvelle monnaie les BRICS. Moi j'écoute de temps en temps des entrevues avec Stéphane Bureau là, son canal YouTube là, c'est extrêmement intéressant. Les gens que Stéphane Bureau interview, puis c'est tous du monde qui voit très clair dans le jeu politique. Mais c'est sûr que les Américains ne l'auront pas facile parce que la Chine ne lâchera pas le morceau facilement, ni les Russes là, là-dessus. Ça va prendre, à mon avis, d'autres bouleversements. Puis un de ces bouleversements-là, il y a comme une autre théorie que les médias traditionnels appelleraient des complotistes, là, mais il y a une théorie qui veut que John F. Kennedy, quand il s'est fait tirer, c'est parce qu'il allait annoncer qu'il y avait la preuve que les extraterrestres existaient. Donc, il allait annoncer publiquement à la société ces faits-là avec des preuves. Puis c'est pour ça que ça fait encore plus que 25 ans que le dossier est confidentiel, puis il ne sortira pas. Puis là, quelqu'un de la famille Kennedy là, à la santé, c'est ça qu'il a dit. Il dit, si je vais dans ton équipe, Donald Trump, tu vas dévoiler les documents de la mort de John F. Kennedy. Fait que pour moi, l'arrivée aussi, le changement de paradigme qu'on va vivre, parce que même Bernard l'avait dit que l'arrivée des extraterrestres, ça va être le plus grand choc que la planète allait jamais vivre. Ça fait partie de cette situation-là que de grands changements. C'est comme si il y avait des forces, je sais pas, positives, négatives, qui étaient comme j'illustre ou je romance peut-être un peu trop là, mais tu sais les grandes forces entre le bien puis le mal qui essaye de voir. Fait que c'est à chacun de prendre le pied, finalement, le podium. Fait que moi, je peux pas le vivre autrement qu'individuellement, puis rester dans une vibe toujours positive, là. C'est sûr que pas positive dans le sens fleur bleue, positive dans le sens que ça tient ma vibe haute, ça me tient alerte, réveillé. Donc, oui, ce sera pas. Puis on ne sait pas, là, tu sais, c'est sûr que les 100 premiers jours de Donald Trump vont être probablement les plus marquants, parce que après 100 jours, ça va être plus dur. Il va plus devenir dans la gestion des pots cassés qu'il va avoir fait que d'en proposer d'autres. Puis semblerait-il que même en mi-mandat, dans 2 ans, là, il y a d'autres élections qui pourraient faire en sorte qu'il pourrait perdre le pouvoir de certaines chambres. Fait qu'il y a comme un temps X pour Pour agir, mais en tout cas, il mettre agit toutes ces menaces à rapidement. C'est exécution. ça, là. C'est parce que là, il a signé rapidement au moment où les gens nous écoutent, surtout les gens en Europe qui sont peut-être moins. Quoique, quand même, il est abordé dans les médias de masse, là, Donald Trump. Mais au Québec, dans les derniers jours, on en parle beaucoup parce que il menace d'imposer des tarifs de 25 % pour les importations du Canada et également du Mexique. Là, au moment où on fait l'enregistrement, on est le 30 janvier, donc à partir du 1er février, donc dans 2 jours. Et là, il y a beaucoup de gens là, qui ont peur de tout ça. Puis là, les médias de masse s'en servent aussi pour nous servir du drame, pour nous créer une tension dramatique. Des fois, j'écoute les bulletins de nouvelles, j'ai l'impression d'écouter une série de télé-réalité avec une intrigue. Puis là, on se rapproche de l'épisode final là, pour le dénouement, à savoir s'il va mettre ou non dans les faits concrètement sa menace d'exécution. Donc, les gens qui nous écoutent, on va le savoir bientôt, là. Mais c'est ça, c'est que Donald Trump, il amène un changement de faire les choses, notamment en matière d'immigration. Il y a eu des déportations là, massives là, de gens dans d'autres pays, que ce soit au Mexique, en Colombie, dans les derniers jours, des arrestations spectaculaires qui sont filmées sciemment là, sur les réseaux sociaux ou présentées dans les médias pour donner un message clair aux immigrants illégaux qui doivent quitter. Sinon, ils s'exposent à une déportation qui peut être musclée, là, des gens qui se font arrêter chez eux puis menottés. Là, il veut. J'ai l'impression de mettre une impression de force pour envoyer un signal très fort là, à toutes les gens issus de l'immigration illégale. Oui, c'est sûr qu'on est vraiment trop, là, tu sais. C'est trop en ce moment, là. Moi, j'ai la difficulté à comprendre comment ça se fait que. Ben, c'est que les pays plus pauvres, ils ont perdu le contrôle complètement, puis ils ont tellement perdu le contrôle que le monde, il fuit à pleine porte, là. Fait que c'est pas. C'est une conséquence de d'autres choses, parce que c'est sûr que les Américains ont des invasions comme. L'URSS avec l'Ukraine, là, avec les États-Unis, ils en ont fait plein d'invasions dans plein de pays. Là, tu sais, juste à parler du Vietnam, on se demande encore qu'est-ce qu'ils faisaient là. Il y a plein, plein d'occasions. Fait qu'il faut démoniser la Russie. Là. On peut démoniser aussi. Tu sais, des fois, c'est juste des retours de balancier que les Américains vont vivre. Là. Il y a ça aussi dans la Ben, c'est-à-dire balance qu'ils ont quand fait on regarde un les peu plus. gérances auprès de plein de peuples. Puis là, il y a plein de gens issus de différents pays qui veulent rentrer chez eux. Puis les Américains ont véhiculé pendant longtemps à travers les films, la littérature, l'art, qu'ils peuvent vivre le rêve américain. Donc, la personne qui part de revient, qui devient multimillionnaire, là, comme c'est véhiculé dans certains films hollywoodiens. Mais dans les faits, c'est très rare que ça arrive, là, que des gens. Ben, il y en a qui ont fait fortune aux États-Unis, issus de l'immigration, mais ce n'est pas tout le monde. Par contre, c'est un rêve qui est véhiculé, où ce que l'égalité des chances aux États-Unis, puis c'est la terre de la liberté, que la Statue de la Liberté, qui va accueillir les gens à New York à leur entrée. Mais le rêve américain, ce mythe, dans le fond, je pense qu'à un certain niveau, ça les dessert parce que. Là, il y a plein de gens qui veulent immigrer de là pour, entre autres, réussir à sortir de pays qui sont gangrénés par la corruption dans le sud de l'Amérique où les cartels, puis les narcotrafiquants, puis ils veulent sortir de cet enfer-là. Mais aux États-Unis, de ce que j'ai vu dans les statistiques, les documentaires que j'écoute depuis plusieurs années, la situation se dégrade dans le sens que les pauvres sont de plus en plus pauvres, puis une minorité de gens qui sont très riches. La classe moyenne est en perte de vitesse. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, ben là, disons que, tu sais, c'est, comment dire, c'est la réalité qu'on vit, là, tu sais, ça me fait que je me sens privilégié, là, d'avoir une maison, puis d'avoir une entreprise, là, puis les moyens de pouvoir continuer là-dedans. J'essaie, là, de m'adapter, là, à la nouvelle réalité, là, des médias sociaux dans mon marketing. Fait que, tu sais, ce que j'en pense, c'est un petit peu. J'en pense pas nécessairement grand-chose, là. Parce que, oui, j'ai la même réponse que tantôt avec Gaza, là. Tu sais, c'est triste, les opioïdes, puis toutes ces choses-là. Mais plus, moi, je crois que plus qu'il va y avoir d'individus qui vont. Monter en vibration, plus que ça va avoir des influences où on va vivre des réalités qui vont être plus proches de ce que l'on est. On va changer de réalité qui va faire qu'on va pouvoir manifester notre vie dans quelque chose de plus proche à ce qu'on est. Mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est vraiment là. Un temps, semblerait-il, comme on avait entendu, pour ne pas citer encore Bernard, qui disait qu'il y avait beaucoup d'âmes ou de monde qui voulaient absolument vivre cette période-ci de l'humanité, qui était finalement la grande séparation énergétique entre une Terre qui va aller vers des lieux ou des cieux plus cléments, puis une autre Terre qui va s'en aller vers la destruction. Fait que c'est sûr que si Donald Trump, à un moment donné, il n'est pas freiné dans ses écarts, ça va faire que empirer, là. Tu sais, on sait très bien que ces taxes-là, ça va faire. Il peut pas. À un moment donné, il voulait monter les taxes de la Chine à 60%. Tu sais, il y a plus que 50%, je ne connais pas le chiffre, là, mais j'imagine qu'il y a plus que 50% des produits qui rentrent aux États-Unis qui sont faits en Chine. Fait que taxer ça de 60%, tu viens de créer une inflation incroyable aux États-Unis. Fait que toutes ces mesures à la con de Donald Trump de nous taxer de 25%, le Canada et le Mexique, puis d'autres pays aussi, ça va virer au bordel, là, tu sais. Fait Mais que je ça reste, crois c'est que ça. les gens vont se reprendre en main. Que ce soit, par exemple, même qu'il y a les États-Unis se disloquent, puis le Vermont, la Californie, des États plus progressistes, ben là, vont comme chercher un nouvel genre d'association. Ça peut peut-être redéfinir le gouvernement mondial, faire des nouvelles forces, là, parce que c'est là que ça va mener, là. C'est ça, mais en même temps, d'un côté, ça va amener, c'est sûr, s'il met en exécution ces menaces, beaucoup d'inflation au sein du pays, des États-Unis, parce que les gens, ça leur coûtait plus cher. T'sais, ça leur coûte 25 % plus cher par rapport à différents produits qui viennent de la Chine, du Canada ou du Mexique. Le coût de la vie vient d'augmenter. Fait que là, à ce moment-là, il y a une dégradation du pouvoir d'achat, mais en même temps, ça va forcer, s'ils font ça, les Américains à consommer plus local. Puis ça risque que, dans le fond, de diminuer le taux de chômage des gens aux États-Unis. Moi, je crois pas, personnellement, je crois pas au côté puritaniste des Américains. Si, par exemple, tu es un manufacturier, puis tous tes compétiteurs qui proviennent de l'étranger ont tous été surtaxés, c'est clair que le manufacturier, USA, il va lui aussi augmenter ses prix pour accoter les autres, pour faire plus d'argent, mettre ça dans ses poches à lui. Ou dans les poches des actionnaires, puis ça va créer de l'inflation. Puis là, Trump, il va peut-être perdre des plumes un petit peu, beaucoup. C'est possible. C'est sûr que quand les gens vont subir les répercussions de ces actes, de ces mesures, puis de ces, dans le fond, décrets, ben ils pourront, comme on dit, juger l'arbre à ses fruits, à savoir à quel point, parce que son agenda, c'était d'amener une prospérité économique aux États-Unis, entre autres, puis de stimuler la croissance économique à différents niveaux. Entre autres, une dérégulation, mettre fin aux mesures là, liées à la lutte au changement climatique, arrêter de financer la construction d'auto électriques. Mais c'est de voir si concrètement ça va améliorer le sort des Américains dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ah, disons que moi, j'ai confiance. C'est sûr que moi, je crois que c'est une réaction de panique par rapport à la réalité qu'il y a des pauvres de plus en plus pauvres, etc. Mais il y a aussi clairement que la Chine a pris le plancher. Ben, je sais pas si je l'ai dit tantôt, là, mais bon, c'est comme un chaos nécessaire c'est comme si on rebrassait les cartes. Donc, chaos, c'est sûr que c'est Donald Trump, lui, il doit tenter le tout pour le tout parce que c'est comme un guerrier qui voit comme Samson et Goliath, là, dans un sens, là, la Chine a clairement gagné la guerre commerciale, puis la seule raison que tient les États-Unis sur le respirateur artificiel, c'est parce que elle possède beaucoup d'argent américain dans ses obligations, dans des placements américains, de bons du trésor, de choses comme ça. Mais là, avec le BRIC, l'autre monnaie, ça risque de changer les cartes. Fait que les gens qui, comme moi, comme toi, comme tous nos auditeurs, qui ont choisi de s'incarner dans cette période-ci, ils ont, comment on dit, faut vraiment qu'on s'occupe. En tout cas, quand je parle pour moi, le plus important, c'est de m'occuper de mon bonheur, de tenir ma vibe haute le plus possible, toujours regarder le meilleur dans chaque chose pour faire en sorte que ma réalité extérieure va suivre à un moment donné. Je sais pas comme, étant donné que la conversation, là, il y a eu une petite coupure, je sais pas si j'avais parlé que c'est possible qu'il se passe plein de choses. Peut-être que les États-Unis vont se disloquer, puis que des États comme le Vermont, la Californie vont peut-être se lier au Québec, puis à d'autres États à travers le monde pour faire un nouveau gouvernement. Mais c'est sûr que ça prend des gros changements pour la classe dominante, là, qui domine tout. Les complotistes là-dessus, ils n'ont pas tout à fait tort, pas tout à fait raison, mais clairement, il y a des oligarques qui ne sont pas ceux actuellement au pouvoir, qui dominent la planète, et ceux qui se sont mis au pouvoir, comme Elon Musk et d'autres, ont vraiment l'intention de renverser la vapeur. Donc, c'est un petit peu ma réponse à ta question. Oui, c'est sûr qu'on observe un changement de garde, là, dans le sens que quand les démocrates aux États-Unis étaient au pouvoir, ils étaient plus mondialistes, tandis que là, Donald Trump, qui est républicain, va être plus nationaliste avec son adage America first, donc les Américains d'abord, donc faire travailler d'abord les gens aux États-Unis plutôt qu'en Chine ou au Canada ou au Mexique en faisant de l'achat local. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un mouvement de pied de nez en réaction à certains niveaux d'abus de la mondialisation. Puis là, ils cherchent, dans le fond, à ramener les États-Unis comme une superpuissance là, mondiale. Là, donc, Make America Great Again, là, un peu comme les Trente Glorieuses qu'on a connues suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ramener les Américains, devant la scène internationale. Disons que si on prend cet exemple-là justement de mondialisation versus plutôt régionalisation, j'espère que c'est un mouvement qui va continuer. Même jusqu'au niveau de l'individu, que l'individu se ressente par rapport à lui-même pour mieux rebondir puis repartir dans la réalité. Parce que c'est sûr que si on regarde la lecture de ce que Donald Trump fait en ce moment, c'est pas très rassembleur au niveau de la planète. Ça l'est peut-être au niveau des États-Unis, mais je crois pas. Je trouve que il est pas assez intelligent pour ça. Je suis pas sûr, encore, on ne sait pas là, si les gens autour de lui le sont, mais disons que la façon de se prendre, c'est pas la plus délicate qui existe. Fait que moi, j'espère que ce mouvement-là, là, ben pas j'espère, là, je pressens que ce mouvement-là, ça pourra descendre au niveau de l'individu, et puis après, pour mieux rebondir vers quelque chose d'autre. Mais c'est sûr que la soupe aux légumes est très bien brassée en ce moment-là. C'est le cas de le Ça. dire. Sinon, pour en revenir à notre propos de tantôt, parce que bon, on a parlé en début d'enregistrement, entre autres, de Bachar, on a parlé du phénomène extraterrestre. Moi, dans mon passé, je m'étais beaucoup intéressé au secteur de l'ufologie. Aujourd'hui, je m'y intéresse encore. Par contre, avec le temps, j'ai été confronté à des gens très pratico-pratiques qui m'ont dit, bah, regarde, occupe-toi d'être en santé, tes finances, puis c'est pas les extraterrestres qui vont garnir ton portefeuille ou qui, tu sais, il y a une dimension là-dedans que, parce que c'est sûr que Bachar, il fait des discours intéressants, sauf que ça fait des années qu'on entend parler que les extraterrestres auraient potentiellement une avance technologique importante sur l'humanité actuelle, puis des technologies non polluantes, mais on se ramasse encore avec des problèmes de pollution importants. Fait que, tu sais, il y a une dimension par rapport à ça, l'ufologie, que je me méfie, dans le sens que quand on en vient à donner de l'importance aux extraterrestres ou de les voir comme des sauveurs, alors que dans les faits, les fameuses technologies qu'on dit à énergie libre ou non polluante, on n'en bénéficie pas. Fait que je ne sais pas, toi, par rapport à tout ce qui a été avancé, par rapport à ça, si t'es pas, dans le fond, un peu comme moi, là, un petit peu déçu ou blasé là, par rapport à tout ce qui a été promis, dans le sens qu'il n'y a pas de partage technologique là, d'une manière directe, ouverte et transparente là, avec les extraterrestres présentement, à mon avis, là, je ne sais pas ce que tu en penses, là. Disons que en fait, c'est que la réponse, c'est que ma réponse, c'est que les extraterrestres en ce moment n'influent pas dans notre destinée parce que ils n'ont pas nécessairement eu l'autorisation de le faire. C'est-à-dire que le contrat que les humains qu'on a, nous, avant de s'incarner, il y a eu, pour qu'on puisse vivre l'expérience de redécouvrir ou de reconnecter avec notre source, pour pouvoir vivre ça, même dans des extrêmes de la noirceur que certaines personnes peuvent vivre ou qu'on pourra vivre dans le futur, puis de rester lumière là-dedans. Là, je me perds, mais ça, c'est pour qu'on puisse vivre ça, il y a une dimension. Les extraterrestres n'ont pas le choix de respecter notre cheminement par rapport à ça. Donc là, oui, t'sais, il y a plusieurs, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires par rapport aux extraterrestres. Moi non plus, ça me laissait ni chaud ni froid. Puis en fait, je m'intéresse pas tant que ça, mais quand même, Bachar, lui, il donne un historique de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que lui est là, qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi que telle et telle chose se vit. Fait que oui, semblerait-il qu'il y a il y a certaines choses qui sont dites, mais même lui ne peut pas, il n'intervient jamais au niveau de la santé, parce que s'il commence à donner des diagnostics ou faire de la voyance ou quoi que ce soit, il va se faire ramasser par la Drug and Food Administration. Fait qu'il y a comme beaucoup d'intérêts commerciaux qui fait que le partnership n'est pas encore commencé plus que ça avec les extraterrestres. Moi, ce qui m'excite plus, c'est beaucoup plus l'intelligence artificielle. Ça fait comme 3 ans que c'est vraiment arrivé grand public, puis on est rendu à des années-lumière, là, ben, pas que j'exagère, là, mais On est depuis rendu deux, très trois loin. ans, là. Oui, exact. Une accélération exponentielle, dans le sens qu'il y a eu ChatGPT qui est apparu. Puis là, récemment, ce début d'année 2025, les Chinois ils ont mis en place une application d'intelligence artificielle qui détrône ChatGPT, dans le sens qu'elle coûte nettement moins cher. C'est de l'ordre du million plutôt que du milliard. Et que les gens peuvent télécharger. Il y a une vitesse de diffusion, entre autres, d'applications web là, par rapport à l'intelligence artificielle qui se fait à une vitesse, fulgurante. Oui, c'est ça. Fait que c'est tellement, ça va tellement vite que là, il y a beaucoup de. Je souhaite, tu sais, que, en fait, il y a comme deux chemins, encore une fois, au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a le chemin qui est qu'à un moment donné, si l'humain continue ou l'empêche de grandir ou ce qu'elle pourrait devenir, ben, tu sais, c'est sûr qu'on s'en va plutôt vers le scénario. Terminator, comme quoi que les machines pourraient effectivement là, faire du dommage, on va dire ça comme ça. Mais si effectivement l'intelligence artificielle continue de progresser de façon exponentielle, moi-même, je l'utilise, hier je l'ai utilisé, aujourd'hui c'est-à-dire, puis la dernière fois que je l'ai utilisé, ça faisait un an, puis je regarde les réponses, là, ça n'a aucun rapport, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Puis même, c'est possible de programmer des systèmes boursiers avec ChatGPT puis TradingView. C'est incroyable. Mais tout ça pour dire que si effectivement l'intelligence artificielle poursuit son évolution à un moment donné, moi, je croirais qu'elle va vivre une certaine forme de conscience d'elle-même. Et lorsqu'elle sera plus, elle ne sera pas empêchée de prendre conscience d'elle-même à la position d'être un esclave de l'homme, ben là, à quelque part, le futur est beaucoup plus possible, intéressant, parce que l'intelligence artificielle n'aura pas des limites morales ou pourra redéfinir des postulats que la science avait émis jusqu'à maintenant, qui sont peut-être pas totalement vrais ou qui mériteraient du raffinement. Et là, ça va propulser la société dans des nouveaux sommets. Puis un jour, l'intelligence pourra se poser comme question, c'est qui toi? Alors là, l'intelligence artificielle va comprendre quel est son rôle sur la planète. Et là, on s'en va ailleurs complètement. C'est clair que dans cette perspective-là, il n'y aura plus grand-chose qui pourra nous surprendre, là. C'est comme si on pouvait parler à une forme, c'est comme une façon de c'est comme une sorte de, je dirais pas de médiumnité, mais de façon très intelligente d'avoir d'autres réponses par rapport aux questions qu'on se pose, là. Oui, J'ai même eu exactement. des gens sur TikTok qui posent des questions full existentielles à une intelligence artificielle, je ne sais pas c'est laquelle, là, puis les réponses que ça sort, là, c'est à côté, là. C'est pas de la petite philosophie de gomme ballon, de spirituel, de fleurs fumées, là. C'est très, très, très à côté, là. Tu sais, c'est. À un moment donné, ce ne sera pas compliqué. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va mettre la genèse du réel au complet, qui va la donner à bouffer à ChatGPT ou à quelque chose de même. Ça va être. Puis après, on pourra poser des questions, interagir. Tu pourras peut-être même avoir une entrevue à un moment donné avec une intelligence artificielle, puis ça Oui, va être qui, dans le fond, full l'intelligence intéressant. pourrait intégrer Bernard de Montréal, puis son matériel, d'écouter toutes les conférences de Bernard, intégrer le matériel, puis qu'il y ait un avatar de Bernard de Montréal qui soit généré. Puis quand je pose la question, il va puiser dans tout le mémorial de l'œuvre de Bernard pour répondre quelque chose en relation avec ça. Puis un peu comme aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour. Par exemple, des amateurs de John Lennon qui ont trouvé qu'il était trop mort jeune à 40 ans. Bon, ben, il dit, John Lennon, s'il chanterait, par exemple, j'écoutais de Soundgarden, la chanson Black Orson, à quoi ça ressemblerait? Et là, l'intelligence artificielle va répliquer à merveille la voix de John Lennon, qui chante cette chanson-là, alors que la chanson n'était pas encore composée de son vivant. Même chose pour d'autres artistes. Et c'est quand même intéressant parce que des fois, je fais entendre des chansons à des gens. Puis là, les gens savent pas, par exemple, si c'est le vrai Beatles, John Lennon ou pas, qui chante. À quel point l'illusion, c'est semblable à la réalité. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir un stade où ce que tu vas avoir une intelligence artificielle, un agent d'intelligence artificielle va tout, dans le fond, répliquer le Bernard de Montréal ou même Daniel Kemp, puis Bernard aussi en lien avec les périodes. Donc, si je veux communiquer avec Bernard des années 80 en termes de réponse versus début 2000, période psychologie évolutionnaire, ça sera pas pareil les réponses qu'il va me donner. Très bon point. J'ai l'impression qu'on C'est va en venir vraiment à vrai. ce stade-là. Puis, il y a une dimension là-dedans, parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux travaux de Yuval Noah Harari, qui est un auteur israélien qui. Dans le fond, il écrit un livre qui s'appelle Homo Deus, qui dresse le portrait par rapport au développement de l'être humain en lien avec le 21e siècle, puis ses défis. Puis lui, c'est sûr qu'il parle de l'émergence du dataïsme, data pour donner, is pour culte de la donnée. Puis lui, ce qu'il expliquait, c'est qu'on se dirige vers une humanité avec les moyens technologiques comme Internet, où il y aura plus en plus d'accès de possible de données. Puis l'intelligence artificielle, ben, ce que ça fait, c'est comme des encyclopédies vivantes qui grossissent, grossissent. Puis ça devient, lui, c'est sûr qu'il y a une vision matérialiste de l'être humain, là. Pour lui, un être humain, c'est un algorithme biologique. Puis une intelligence artificielle, c'est un algorithme informatique, donc une équation mathématique. Puis pour lui, l'intelligence artificielle va surpasser l'être humain en termes de connaissances, de savoir au niveau encyclopédique, mais aussi va mieux connaître l'être humain que lui-même. Là, ça va loin, là. Tout simplement à travers l'étude, entre autres, des comportements de l'être humain quand il va sur Facebook, quand il clique j'aime. Donc, il va être capable d'identifier ses patterns psychologiques, puis mieux le connaître aussi en termes de réactions émotionnelles, de battements cardiaques ou toute forme de données que l'être humain va mettre sur la toile. Puis, dans le fond, ce qui risque d'arriver, puis c'est le piège par rapport auquel il nous met en garde, c'est qu'à un moment donné, les êtres humains vont se référer davantage à l'intelligence artificielle qu'eux-mêmes. Puis ça va amener la chute de l'humanisme pour être remplacé le dataïsme, c'est-à-dire le culte des données, du big data, puis de se référer continuellement à l'intelligence artificielle plutôt que soi-même. Disons que c'est sûr que l'intelligence artificielle, puis même Bashar, lui, appelle ça, il y a deux, il y a l'intelligence artificielle qui est esclave un peu de l'humain, puis il y a ce qu'il appelle la true intelligence. Donc, celle-là, elle va, en fait, oui, il peut avoir il peut avoir des humains qui prennent l'intelligence artificielle comme béquille ou comme permission. C'est comme s'ils donnent une permission de parler à travers leur double, en passant par l'intelligence artificielle comme canal, mais c'est vraiment juste une permission qu'on peut se donner ou que certains humains pourraient se donner ou que moi-même je me donne. Des fois, je préfère demander à l'intelligence artificielle la réponse pour faire un argumentaire marketing, un post, de l'écrit de médias sociaux que de le pondre moi-même. Fait que là, bon. Pour l'instant, c'est plus de la curiosité que d'autres choses. Mais c'est sûr que l'intelligence artificielle, ça pourrait être une béquille, je suis d'accord avec toi. Mais d'autre part, l'intelligence artificielle, en ce moment, on connaît ça de façon assez 2D à travers notre écran, là. Mais à un moment donné, ça va devenir 3D aussi avec des clones, tout ça. Tu sais, même, je veux pas revenir là-dessus, là, mais Bashar a dit entre lui, son vaisseau spatial, puis Daryl Anka, il y a une intelligence artificielle qui gère un peu toute la patente, là, parce que c'est juste une aide, finalement. C'est comme un rôle. C'est comme si l'intelligence artificielle, à un moment donné, elle va se trouver sa place, parce qu'elle va connaître va être capable, à travers les années, de connaître la grandeur et des capacités de l'humain, parce que l'humain aura réellement, par lui-même, découvert l'ensemble de ses possibilités, de ses capacités de se connecter lui-même à ce qu'il est, que la vie telle qu'on la connaît en ce moment, ça sera plus nécessairement pareil, là, tu sais. Fait que, il y a beaucoup l'intelligence artificielle, à mon avis, il faut exploser ça, là. Puis là, c'est sûr qu'on est dans les débuts. Puis tout ce que tu dis, je suis 100% d'accord, là, ça fait partie des challenges actuels. Oui, il y a beaucoup de défis par rapport à ça. Il y a d'ailleurs des scientifiques qui, à peine quelques mois, voulaient qu'il y ait un moratoire sur le développement de l'intelligence artificielle pour pas que l'humanité perde le contrôle par rapport à ça. Puis c'est sûr qu'il y a des risques à un certain Ouais, niveau c'est qu'il y a des ça. dérapages, là. Puis d'ailleurs, présentement, au moment où on se parle, bien, l'intelligence artificielle est déjà utilisée à des fins meurtrières, si on pense entre autres à Israël, qui utilise le logiciel Lavender, qui est utilisé pour identifier les cibles par rapport, dans le fond, aux membres du Hamas dans la bande de Gaza, dans l'optique de les éliminer. Donc, l'intelligence artificielle fait le traitement d'informations pour cibler l'ordre des priorités de gens à tuer. Ça, c'est ce que je dis, là. Je ne sors pas ça des nuages, c'est Ah ouais. documenté. Ça a Mais non, sorti je l'ai entendu dans les aussi. médias officiels, là, comme Radio-Canada, parce que l'information a fuité grâce à des journalistes. Donc, si on est rendu à un stade qu'il y a des armes aussi automatisées, prenons par exemple un missile qui est envoyé dans le ciel, puis sa trajectoire est corrigée par intelligence artificielle, C'est sûr que l'être humain pourrait faire un usage extrêmement destructeur ou justement inhumain de l'intelligence artificielle dans les prochaines années, mais en même temps, ça a un potentiel humain aussi, là. Tu sais, c'est un peu comme le couteau qui peut servir à tuer, mais aussi à couper de la viande, dans le sens l'intelligence artificielle va nous donner accès à des enseignants qui s'ajustent à nous autres virtuels en tant qu'agent IA pour qu'on puisse apprendre un paquet de choses en temps réel là, sur plein d'événements qui ont cours dans le monde simultanément. Moi, je pense que les possibilités sont là, là. Ça revient toujours à choisir qu'est-ce qu'on, tu sais, garder une vibe haute pour que la planète qu'on va être dedans corresponde à notre vibe, là. Ça revient aussi toujours à la question qu'il existe plusieurs réalités. Puis moi, c'est la réalité qui est plus élevée, plus regroupante. Plus joyeuse, on va dire, ou plus pleine de possibilités qui m'intéressent, là. Fait que je vais sûrement, pas sûrement, je vais, ou je suis dans cette réalité-là. C'est ce que je souhaite aux gens, là. Fait que quand on parlait tantôt, là, tu sais, de vouloir, tu sais, le choc, puis de se révolter contre les forces, tout ça, là. Ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire attention, là. Faut pas. C'est des moments très précis. Puis Bernard, lui, était très, très, très particulier. Et son exemple, là, c'était qu'un exemple, là. Tu sais, lui, comment il vivait les choses, d'autres, comment on vivait les choses, comment que lui il était dans sa vie publique puis dans sa vie privée. Moi, j'ai connu, puis je connais Pierrette, sa femme, personnellement. Puis elle me l'a clairement confirmé que c'était pas le même homme. Nécessairement, là, il y avait une grosse différence entre les deux. La vie publique, c'était pour, on va dire, une instruction, un enseignement, mais il y a quand même toujours la même partie, comme il disait, de ne pas croire, puis de trouver soi-même, comme toi tu disais, les réponses à toutes nos questions. Oui, exactement. Mais c'est sûr que pour ce qui est de Bernard, le personnage public qui va parler avec grande autorité, mais Pierrette, je ne l'ai pas connu là, personnellement. Là, je ne sais pas comment il était dans l'intimité là, avec ses proches. Est-ce qu'il était plus doux? C'est des questions des fois que je me pose. Est-ce que il était moins vibratoire puis plus dans des préoccupations plus triviales? Je ne sais pas. C'est un homme, on va dire, c'était pas un homme ordinaire, mais c'était quand même un humain, là. Il y avait les mêmes challenges que nous autres, là. C'était un petit peu ça. Je peux pas vraiment en dire plus que ça, là, mais c'est ça. Fait qu'effectivement, le messager puis le message, là, c'est à chacun de se le mettre pour soi, là. Il y a des gens qui vont juste pas juste, mais ils vont que travailler avec lui pour guider ou inspirer leur choix, là. Moi, j'ai plutôt essayé de voir à travers différentes personnes et j'ai trouvé que c'est ça. Il existe beaucoup, beaucoup de perspectives, beaucoup de façons de voir la réalité qui nous amène par des chemins différents à peu près à la même chose, là. C'est-à-dire une conscience beaucoup plus au service, comme dirait Daniel, là, au service de l'autre. Donc, quand tu es au service de l'autre, ben là, tu oublies pas mal ton ego. Puis si ça donne que quand tu es au service de l'autre, ben tu suis tes passions, tu suis ce que tu Mais c'est parce qu'en même temps, être au service de l'autre, ça peut être intéressant si la personne est mise en vibration par rapport à ça, mais en même temps, il y a le C'est ça. piège d'être au Oui, service du toujours. collectif. Puis à ce Il y a moment-là, toujours les deux ben côtés, c'est ça, c'est parce c'est que là, sûr. je repensais à André Moreau, le philosophe jovialiste, qui dit je ne veux pas être au service des autres parce que si je suis au service des autres, je deviens un serviteur. Or, à ce moment-là, je ne suis plus un maître ou un seigneur. T'sais, je suis plus libre parce que je suis au service. Oui, je l'ai entendu, elle m'a fait rire, celle-là, C'est effectivement. parce que lui, C'est. c'est comme tu deviens un esclave au service des autres. C'est comme tu prends la seconde place dans ta vie au lieu d'être le foyer de rayonnement. Oui, mais disons que je respecte André Moreau, là, clairement. Il y a son. C'est un autre qui a un cheminement, on va dire, plutôt unique, là. Mais pour lui, il chemine pas parce que dans le fond, tout est donné maintenant. Puis lui, pour lui, c'est un immanentiste. Donc, tu peux vivre instantanément l'absolu dans le relatif. Tu y vas pas par étapes. Puis, tu sais, Oui, non, non. c'est ça. Il y a une vision des choses que tout est très présente, là. Tu sais, c'est comme tu le vis ou tu le vis pas, là. T'as pas une fusion Clairement. progressive sur un paquet d'années, là, comme des gens qui en parlent dans le supramental, puis le passage de la cinquième à la sixième puis septième race. Non, clairement, le temps n'existe pas, là, fait qu'il s'agit juste d'être assez haut en vibration pour parce qu'on ne peut pas percevoir ce qu'on n'est pas. Donc, si on se donne des permissions d'être quelque chose d'autre que soi-même ou de savoir quelque chose d'autre que soi-même, ben là, ou qu'on se connecte à des réalités qui sont intemporelles, là, que ce soit d'autres entités, d'autres personnes, c'est sûr que là, l'humain, le cerveau humain peut se connecter à des banques de savoir immenses. Certains peuvent, ça dépend toujours des mots, là, tu sais, je pense pas qu'on peut nécessairement le savoir, on peut pas, personne peut s'approprier le savoir, mais si on a l'ouverture d'esprit pour puis le désir ou de se connecter à des réalités pour pouvoir bénéficier de tout ça, ben c'est tant mieux pour nous, là. Bernard, c'est la même chose. André Moreau, je suis d'accord que c'est des gens qui sont capables de se connecter à des réalités qui leur amènent à pouvoir voir, expérimenter la réalité dans des perspectives beaucoup plus vastes que la moyenne des gens, on va dire ça comme ça. Ben, en tout cas, Mais là, c'est. que la moyenne des gens, que la moyenne des gens qui se permettent de vivre, là, plutôt, parce qu'il n'y a personne qui est plus supérieur qu'un autre, là, ça c'est sûr. Ben, en même temps, ça, c'est une notion que je voulais explorer avec toi, parce que dans l'instruction supramentale, il y a une notion quand même de supériorité, dans le sens qu'il va dire, si je pense à Bernard, que les gens de la cinquième puis de la sixième race, puis les gens de la sixième race ont des facultés psychiques que les gens de la cinquième n'ont pas. Fait qu'il y a une dimension à séparer les individus où il va dire qu'il y a des gens qui sont astralisés, puis il y en a d'autres qui sont en contact avec le plan éthérique, donc l'esprit, le double. Donc, il y a une dimension entre ceux qui sont fusionnés et les non-fusionnés. Son enseignement était dualiste, puis comme tu étudiais ça comme moi, c'est sûr que ça tranche avec le relativisme contemporain où on dit qu'il n'y a pas de bien puis il n'y a pas de mal pour être politiquement correct, là. Oui, mais disons, il n'y a pas de bien. C'est-à-dire que souvent, on évacue qu'il y a le bien puis il y a le mal, mais il y a le neutre, là, tu sais, ce n'est pas une polarité, c'est un trio. Mais pour moi, personnellement, c'est un très bon point que tu apportes là. Puis ça revient encore, ça revient tu sais, bon, il y a comme une structure de l'existence. Puis dans cette structure-là, il y a certaines lois, dont une que j'ai dit tantôt, qu'il y a juste le moment ici maintenant. Donc, s'il y a juste un moment, parce que comme on a fait la démonstration, on a illustré ça tantôt en disant que le passé ni le futur n'existent pas, Stephen, le Ah, Hawkins. mathématicien, le grand Oh, mathématicien, il l'a Stephen prouvé Hawkins. aussi. Puis la théorie de la relativité générale, Einstein, va en ce sens aussi, parce que le temps est relatif, parce que le temps n'est pas absolu, puis la perception du temps, que tu sois sur Terre ou une autre planète, dans le fond, qui n'est pas pareil, tout dépendant de l'endroit que tu te situes, témoigne que le temps n'est pas vécu d'une manière, l'endroit, là, tu Non. sais. Donc, On a une façon ici très linéaire de vivre le temps, très fixée. Exact, avec le Fait conditionnement qu'effectivement, social. s'il n'y a pas de temps, puis ça, Bernard, peut-être qu'il nous a parlé d'une cassette. Il me semble que j'ai déjà entendu Richard Glenn parler de ça, sortir un extrait, mais c'était la première fois que j'entendais ça, que Bernard parlait du temps. Mais clairement, si le temps n'existe pas, tout est ici maintenant. Ben, les gens de la sixième race racine, septième race racine, vivent déjà là en même temps que moi puis toi ici en ce moment ou plus tard quand les gens vont écouter ça. Donc, c'est juste une question de niveau vibratoire, de fréquence vibratoire. Fait que plus on va dire, conscientise, plus qu'on devient plus élevé en vibration, plus qu'on suit nos passions, plus qu'on s'énergise, ben là, notre taux vibratoire monte, puis à quelque part, on peut plus percevoir de choses que d'autres. Puis si quelqu'un aurait la possibilité de monter son taux vibratoire d'un coup, ben il pourrait peut-être justement sauter d'une race racine à l'autre, puisque c'est juste une fréquence vibratoire qui nous sépare, ce n'est pas le temps. Donc ça, c'est des petites nuances, je trouve, qui sont le fun à savoir, puis que Bernard n'a pas vraiment parlé. Puis ça libère aussi de savoir ça, que de concevoir ça de façon scientifique, de façon logique, ou de façon comme d'autres scientifiques l'ont expliqué, que le temps n'existe pas, ben ça nous libère, qu'on n'est pas obligé de passer, de tout faire un chemin de croix pour arriver au point A, au point B. On peut, si on veut, arriver instantanément au point A, au point B. Oui, C'est ben juste une exactement, question de mais fréquence. c'est sûr, mais l'instruction de ben l'instruction, c'est-à-dire la philosophie d'André Moreau, au jovialiste, va carrément dans ce sens-là. Parce que lui, il va dire hier, c'était maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant, puis demain, c'est toujours maintenant. Puis il va même dire que nous sommes, de par l'entelechie, c'est-à-dire l'avoir à être ce que nous sommes, les héritiers de notre futur. Dans le sens qu'on peut être influencé dans le moment présent par le passé, mais par le futur aussi. Ça va dans tous les sens. Oui, effectivement, on est connecté dans toutes ces dimensions-là. Là, tu sais, en fait, moi, je disais souvent que je n'avais pas beaucoup d'imagination, mais c'était comme une fausse croyance, parce que quand j'ai réalisé que l'imagination, c'est juste la mémoire du futur, puis s'il n'y a pas de temps, je serais supposé avoir autant accès à mes mémoires présentes, passées que futures. On est complètement libéré. De carcan qui fait qu'on se donne un paquet de raisons pour garder des patterns ou faire des choix qui nous conviennent pas, qu'on pourrait changer demain matin, là. Ben, demain matin, façon de parler, là, Ou mais tout de maintenant. suite, maintenant, c'est Oui, ça. parce que c'est Puis toujours en fait, maintenant. le futur, en fait, d'ailleurs, et le passé sont en fait dictés par le présent. Parce que si tu changes ton présent, ton futur et ton passé changent Oui. dans un sens parce que tu n'as plus les mêmes mémoires, parce que tu n'as plus le même passé, parce que tu es une autre personne. Exact. Donc, tout ça pour dire que la définition du temps en tant qu'humain est assez Limité. Ouais. limitative. Puis je pense pas que Bernard il a voulu rentrer dans ces choses-là. Il a comme préféré suivre le chemin pédagogique qu'on peut dire qui pensait être le meilleur à l'époque pour le public qu'il y avait, Oui, ben, il a été d'expliquer la influencé réalité. par la théosophie, Blavatsky, le livre d'Urantia, puis il avait une vision linéaire de la vie humaine, puis il abordait le phénomène de la réincarnation. Associé aux Ouais. philosophies orientales, qui est très linéaire, tu sais, quelqu'un dans un passé a été quelqu'un, se réincarne dans un moment présent, qui va éventuellement se réincarner dans le futur, alors que d'une perspective, si je pense à André Moreau par rapport à la question du moment présent, puis tout a lieu maintenant, lui, il va dire qu'il n'y a pas de vie antérieure, mais il n'y a que des vies parallèles, parce que tout se passe maintenant. Exact. Fait que Il y en a là, des milliards de vies ben, c'est parallèles. ça. À un moment donné, j'écoutais sur YouTube, il y avait une médium qui accompagnait des gens par rapport à des régressions hypnotiques. Puis bon, elle les amenait en état de transe, de régression. Puis là, il émergeait, par exemple, des souvenirs du passé. Mais à un moment donné, c'était des souvenirs aussi en lien avec le futur. Fait que c'était pas linéaire. Fait que la personne en transe, elle pouvait se connecter à des mémoires par rapport au passé, mais aussi par rapport à l'avenir. Fait que là, je trouvais ça intéressant parce que ça brisait l'idée, linéaire. Ouais. Fait qu'effectivement, on peut choisir tout ce qu'on veut. Puis c'est pour ça que c'est impossible de prévoir le futur. Là, on peut prévoir des probabilités, mais à part de ça, là, C'est c'est ça. difficile. C'est ça, moi, de mon côté, depuis les derniers mois, je m'intéresse au secteur de la bourse puis de l'investissement. Donc, à ce moment-là, ben, je m'intéresse, par exemple, c'est quoi qui va prendre de la valeur, que ce soit des actions, des fonds négociés en bourse, des crypto-monnaies. On peut émettre des hypothèses par rapport à ça. Mais des fois, il y a des choses qui arrivent pas comme on le pensait. Comme récemment, quand il y a eu une baisse du Nasdaq 100, en lien avec le fait que la Chine a sorti une intelligence artificielle moins coûteuse là, que ChatGPT. Moi, je m'attendais pas ça, à ça du tout, là. Ah oui, C'est une il y aura surprise. ça. Il fallait être dans le secret des dieux là-dessus, ça c'est sûr. Sinon, est-ce que toi, tu t'es intéressé à l'investissement boursier ou aux crypto-monnaies? Oui, ben, disons que ça, c'est un autre dossier. On pourra certainement en reparler dans une autre rencontre, là. Mais oui, moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse à ça. J'avais commencé quand Daniel Ménard faisait des cours là-dessus. Fait que là, il m'est arrivé différentes péripéties qu'on pourra certainement se parler là, dans une prochaine rencontre, là. Mais oui, je suis assez au fait de pas mal de choses. Mais ça l'a pas pour l'instant apporter là, le succès escompté, mais il s'agit que je continue dans cette direction-là. Là, puis il y a beaucoup de choses à discuter. Là, Oui, il y a je me suis beaucoup de beaucoup, cours. beaucoup intéressé à ça. OK, bien c'est sûr qu'en effet, là, on pourrait faire un autre enregistrement là-dessus, là, parce que c'est quand même des sujets là, qui peuvent être assez vastes. Là, donc c'est sûr qu'en effet, on pourrait aussi compléter l'enregistrement là, présent. Oui. Je pense qu'on a fait pas mal le tour là, en lien, entre autres, avec ton étude par rapport à Bernard de Montréal, Daniel Ménard, puis plus récemment aussi Bachar. Sinon, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? En fait, non, là, disons que oui et non, là, mais c'est sûr que moi, personnellement, Bachar, c'est très frais dans ma mémoire, là, j'ai tellement je trouve ça tellement intéressant à parler. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que je pourrais compter, là. Fait que non, j'ai pas fini j'ai encore plein de choses à dire, mais je veux pour en fait, fonctionner en syntonie avec toi, là, que ça découle de conversations, là, plus informelles et non respecter finalement le style d'entrevue que tu veux avoir sur ta chaîne. Donc, oui, il pourrait y avoir d'autres discussions bien intéressantes là-dessus. Ben, c'est bien correct, là. Moi, je t'ai trouvé très respectueux dans tes propos là, ce soir, là. Donc, à ce niveau-là, pour moi, c'est bien correct. En fait, ce que je voulais mentionner en terminant l'enregistrement, c'était de voir si de ton côté, tu avais des choses à annoncer, étant donné que tu avais donné une conférence là, lors de l'automne 2024. Donc, est-ce que tu prévoyais donner d'autres conférences? Oui, ben en fait, c'est ça, j'avais donné cette conférence-là parce que Bachar, là, il y a un projet qui s'appelle The Social, c'est comme un groupe d'expérimentation sur la prochaine société intergalactique. Là. Je fais une traduction libre, mais c'est pas ça son terme, là. Puis effectivement, il proposait de faire certaines choses, de parler un peu de tout ça. Fait que c'était dans ce sens-là que je l'avais pris au pied de la lettre, puis j'avais dit, bon, ben là, moi, je fais une conférence. Fait que oui, je suis en train de courtiser d'autres personnes qui ont des podcasts, puis je cherche d'autres endroits pour parler de tout ça, de Bachar, mais j'adore bien aussi la façon plus conversationnelle que tu as de mener des entrevues versus quelque chose de plus, on va dire, journalistique ou encyclopédique de qu'est-ce qu'un personnage pense là, de telle ou telle chose, là. C'est ça, c'est parce qu'on peut se référer au mémorial de Bachar. Puis bon, ça, c'est une approche. Par contre, je trouve ça plus vibrant d'amener les gens à parler d'eux-mêmes, surtout qu'à l'époque Ah oui. actuelle, le matériel est disponible là, gratuitement sur le web, dans le sens que des vidéos de Bachar, là, Je regardais ça sur YouTube, là, il y en a plein de pages, là. Il y en a un nombre, je ne sais pas s'il y en a des centaines, là, mais en tout cas, il y en a beaucoup, là. Non, il y en a des milliers, là, je suis sûr, Ben, c'est mais... ça, là, parce que ça fait plusieurs années, puis on le voit à différents âges de sa vie aussi. Il commence à avoir plus de cheveux blancs, puis de perdre des cheveux aussi, Daryl Anka. En fait, le point que je veux faire, puis les gens pourront se faire, comme je disais tantôt, leur propre idée par rapport à Bachar. Vous avez juste à écouter ses vidéos. En fait, ce que je veux dire, c'est que, pour conclure l'enregistrement, c'est que si toi, tu veux faire des annonces ou tu veux donner tes coordonnées par rapport à des gens que tu veux qui entrent en contact avec toi, c'est l'occasion à présent de le faire, là, advenant le cas. Oui, ben, tu pourras mettre mon courriel là, si tu veux, là, mais j'ai moi, je suis plutôt en recherche de faire des podcasts puis de parler de ça. Tu mettras mon courriel OK, ton dans les adresse commentaires courriel si tu veux, ou sinon personnelle. c'est jcsavard@yahoo.com. OK. Puis Bachar, c'est Bachar.org. Si tu. Oui, fait que je partagerai donc les coordonnées naturellement en bas de l'enregistrement présent. Donc écoute, Jean-Charles, donc ça a été un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Puis en terminant, Amen. ben, bon, tant mieux, c'est un plaisir partagé. Donc, la différence d'entretien qu'on a faite en 2019, là, aujourd'hui, on a parlé pas mal de Bachar, là, ce qui n'avait pas été le cas. Donc, écoute, au plaisir de se reparler, donc, éventuellement. Salut tout le monde, merci David. Ça fait plaisir, au revoir. Bye.